Vincent Decombis de l'association Recréer, Vivre et Créer à la Montagne est sur Radio des Ballons pour nous parler d'un événement qui est prévu pour ce dimanche du côté de Bussan. Bonjour Vincent. Bonjour Raphaël. Donc il s'agit de Blanche-Mer, mais pas au lac de Blanche-Mer, mais à Bussan, autour de l'étang des Sources. En effet, après le succès de cette création, le lundi de la Pentecôte au lac de Blanche-Mer justement, la troupe Recréer et ses composantes, donc pluriel, a voulu revenir aux sources en Haute-Moselle, donc à Bussan, effectivement. En effet, bon, cette pièce à l'origine a été écrite dans sa première mouture dans un atelier d'écriture du Théâtre du Peuple, en visio à l'époque, hein, en mars 21, avec Sylvain Levé, qui était un acteur et auteur. Et c'est la première mouture, donc, de cette pièce qui a été créée. Alors, j'avais eu l'idée à ce moment-là de planter le lac de Blanche-Mer comme lieu principal, parce que c'est le lac où on se retrouve depuis 10 ans, mais aussi parce que, justement, le lac est vraiment, et là c'est l'étang, l'eau est un personnage en lui-même. Et ça, c'est un petit peu mon imprégnation de Giono, que j'ai connu en 66, 2 ans avant sa mort, pour qui tout était vivant, les âmes des montagnes, des forêts, des rivières, etc. Et j'ai retrouvé la même pensée après, quand je suis arrivé ici, donc chez Maurice Potcher. Maurice Potcher, que j'ai pas connu directement, mais dont j'ai connu l'œuvre, et pour qui, effectivement, il y a un animisme, une âme de la nature qui se révèle un peu à travers tout et qui, d'une certaine façon, est plus importante encore que les personnages humains. Donc, c'est l'âme de l'eau, cette fois-ci de l'étang des Sources, qui va jaillir, qui est le personnage, en quelque sorte, principal. Et là, effectivement, l'histoire, c'est au départ 3 jeunes, c'était un petit peu la convention avec Sylvain Levé, 3 jeunes qui se retrouvent autour du lac, et ils sont unis par leur fascination, par la fascination lyrique, poétique, romantique, 3 jeunes donc qui se retrouvent, 2 garçons et 1 fille. Alors, en l'occurrence, je vais faire écouter cette rencontre de ces 3 autour du lac. Ce sont donc Léa Storn, c'est donc aussi Antoine Armand cette année, et Jérémy Marshall, qui se retrouvent autour du lac, et voici donc un premier extrait court de cette rencontre et de cette fascination. Oui, monsieur. Regarde, les poissons d'argent. Comme elle découpe la mer, le long des îles. Où ça? Au bout du regard. Au bout? Je vous dérange, les garçons? Non, pourquoi? Je dérange toujours les garçons. C'est parce que t'es trop fière, ça fait peur. Je vous fais peur? Pas moi. Pas moi, vraiment. Mais si tu souris un peu, un sourire, ça enlève la peur. Sourire? Oui, mais ça ne vient pas facilement. C'est une histoire de lumière. Lumière? Oui, si tu la veux. Je veux bien la lumière. Elle est au bord du lac. Au bord de la lune. Là-bas? Alors viens, on y va. Et voilà, c'était donc un petit court extrait de cette première rencontre des jeunes pour cette histoire de Blanche-Mer. Et on poursuit donc avec Vincent. Alors voici donc, après cette première mouture, qui était la trame même de l'histoire autour du lac, de l'étang, eh bien, Sylvain Levé m'a donné un conseil qui était de faire face à ce lyrisme, poésie, un petit peu romantique, de ces 3 jeunes, de mettre en contrepoint, de faire un contrepoint, disons, caustique, sinon comique, goguenard, puisqu'il avait dans ses essais d'écriture, qu'il nous faisait à distance, bien sûr, on était quelques-uns à distance, Et il nous a, il m'avait ainsi lancé sur d'autres expériences, et j'avais donc écrit quelques pages plus comiques, et il m'a conseillé d'introduire en contrepoint le village, qui lui, et il ne comprend pas ces trois jeunes, c'est le village, c'est un village local, qui se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ces jeunes-là? Et effectivement, quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent, bon, on ne comprend pas bien, bon, ah ben, voilà, et vraiment, il se moque un petit peu de ces jeunes, où ils sont tout à fait, ils considèrent comme des marginaux totalement déconnectés de la réalité. Alors ça, c'est la scène où on verra, on ne va pas l'écouter là, je ne l'ai pas enregistré, mais c'est la scène qui va faire se rencontrer le village et les jeunes, qui sont donc le village est témoin de ce lyrisme qui les dépasse, qui les étonne. Alors, mais peu à peu va s'opérer une symbiose, une alchimie, si je peux dire, de par la nature des choses, de par les jeunes eux-mêmes, qui invitent le village à se retrouver dans une espèce de fête des voisins plutôt comique, plutôt clownesque. Et là, bon, bah, le village va, comme il y a un coup à boire, il va se laisser emporter dans des jeux de rôle plutôt goguenards et comiques. Il joue le jeu. Et c'est la première étape d'une rencontre. La deuxième étape, eh bien, on va la saisir autrement. C'est-à-dire, les jeunes, de par leur espèce de fascination et de pouvoir de faire surgir la mémoire de l'eau, si je peux dire, vont, en quelque sorte, en appeler à l'émergence de souvenirs très douloureux, très anciens, que les fantômes, la conscience engloutie, si je peux dire, du village, contient. Et c'est aussi par l'alchimie, l'intercession d'une sorcière, sorcière échevelée, qui est Ulula, et qui est parente des jeunes, une aïeule sans doute, et qui est Christine Papelier, et qui va lancer les jeunes et tout le monde dans une espèce d'évocation fascinante. Voici donc comment les jeunes introduisent cette phase beaucoup plus étrange et dramatique et qui opère le renversement dans la relation jeune et village. Sortie du lac, c'est le village ancien d'il y a 400 ans. Voyez ce que nous avons vu dans la mémoire du lac, sa plus grande douleur. Mais pourquoi que 400 ans ? Parce qu'il y eut là le mal du mal. Une cristallisation. Un plus du mal. Un moins du bien. Ah, comme maintenant. Oui, en quelque sorte, mais autrement, plus explicite, net. Maintenant, le mal est souterrain. Il ronge, il bouffe. Cancer. Là, il était total, morgueux, brutal. Franc, en quelque sorte. D'où, c'est en regardant le plus du mal éclaté que l'on peut comprendre, guérir. Le plus du mal incrusté dans les têtes. 21e scène. Oui, j'ai lu un livre sur cette période. C'est ainsi que les hommes vivent. La guerre de 30 ans. Qui en a duré 100. On disait avant, ici, les webs, les ogres, c'est-à-dire les Hongres, les Hongrois, et les Suédois, brûleurs de pieds et de villages, et tous brûleurs de femmes, enfants, le plus du massacre, le jamais encore vu. On verra encore plus. Oui, mais raconte. Donc voilà. Mais poussez pas. Philippe, ça nous brûle les pieds. Et quoi, mon gant? Le sabre qui va. Non, c'est mon... Le sabot du pied beau. Ça danse, le grand beau. Et ça monte, ça ricane. Du fond des temps. Après ce nouvel extrait, eh bien, du spectacle Blanche-Mère, du spectacle théâtral joué par la troupe Recré, on poursuit avec Vincent. Alors, c'est ainsi que, voilà, le village... va se trouver face à son propre spectacle. En fait, c'est Maurice Potcher qui dit, citant Michelet, « Nourrissez le peuple du peuple, montrez-lui sa propre légende ». Donc là, il y a une espèce de révélation par le spectacle donné qui est évoqué. C'est les jeunes qui font évoquer ce surgissement de fantômes du passé de la guerre de 30 ans, douloureuse. Et en même temps, de cette émergence va naître une guérison, parce que en gros, on peut dire que l'âme de ce village souffrait au fond d'elle-même de ce passé non guéri, douloureux et terrible, puisqu'effectivement, la guerre de 30 ans, il y a 400 ans, mais demeure comme un état des choses dans la conscience des gens terrible, et qu'il fallait, par en quelque sorte un jeu théâtral, le libérer. Alors voilà, donc cette fois-ci, on va voir surgir une libération avec des personnages comiques, caustiques ou fantastiques, comme par exemple Subtil le Goupil, interprété par Philippe Poisson, ou par exemple La Fée, interprétée par Félicie Parmentier, ou encore La Grivotte, par Evelyne Defez. Et là, on va écouter le personnage fabuleux de Pierre-Louis de la Faribole, dont voici un extrait par le truculent Christophe Philippe. Je suis la cavalière des ondes blanches, la sirène lune, le silence, la mandragore. Les oiseaux vont, viennent, reviennent, les enfants anges surgit de la sainte enceinte multiplicatrice. Terre, mère, à chaque instant, mère de tous les hommes et tout ventre rond, elle ronde la terre, le ronde l'univers. Et prise de l'infini, nous, les mères, nous refaisons ainsi fond les petites silhouettes qui à leur tour referont de petites silhouettes ainsi signeront la danse des lampions milliers, milliardaires. Les cosmos les a enfantés, ces mères crémières à ses origines. Elles viennent des étincelles que Dieu ou les dieux ou tutti a éparpillées, du souffle bas d'origine, tant de destins, tant d'existence, tant de bonheur, sont nées aussi belles. Amour infini, car elle instille l'amour qui fit tout, tout, tout fruit d'amour. C'est un homme, Dieu ? Homme et femme, il a deux sexes déjà au moins. Mais moi, Pierre de la Faribole, je vous dis que Dieu est un grand malin. Et là, là, là, qui joue au nom de Dieu. Dieu est plusieurs. Il navigue sur l'infini. La connerie est le contrepoids de Dieu. La médisance, la contredanse, elle pile le mauvais coton. Excellent, le jetable. Ah, plus laid. Plus laid, plus le con est con, plus le beau est beau en relief. Dieu, voilà ce qu'il fait dans son exposition stellaire, millénaire, milliardaire. Ça chauffe les neurones. Oui, l'excrément de la tête, il y en a un peu trop. L'humanité constipée du cerveau. Ouais, faut éclater tout ça. Un germe d'infini, et cela suffit. Suffit. Pour souffler la bêtise. La mono, la morosité. Le rouge est mis dans l'espace actif. Brondissant d'huivre beau. Show, écho, hello, la tête en feu, le cœur en myriade. Les humains pourront danser à la grande fête. Perchés sur les altitudes, nous attendons l'épopée du monde, la nouvelle odyssée, qui nous embarquera vers le meilleur, là, en nous. Et voilà, c'était donc ce troisième extrait du spectacle Blanche Mère. Et on poursuit bien sûr avec Vincent. Alors, donc, le village ainsi libéré, révélé, et il y aura une symbiose à la fin avec les jeunes, mais je ne révèle pas tout, le village est composé de Marie-Claude Colin, Pascal Fauqui, moi-même, de Bussan, Vincent Palmas, de la troupe des Quais d'Allumé, de Thiéfos, Zézia Bérezac et Segundino Maya Silva, de Remiremont, et j'ai cité les personnages aussi truculents, joyeux, qui apparaissent à la fin de la fameuse scène 5 où s'opère cette étrange symbiose et alchimie. Alors, il y aura donc l'auteur, c'est moi-même, et la mise en scène est Evelyne Defez. Les musiques traditionnelles sont celles de Christophe Toussaint de Sapois avec son épinette, son cor des Alpes et d'autres instruments. Musique qui appuie les moments dramatiques. Et le public est emmené autour de l'étang en scènes successives par les musiciens Jean-Claude Lusson au violon, Michel Ginini de Fraisse, Michael Griesser de Bussan. Et ça se situe donc à 15h. Le dimanche 24 septembre, c'est accès libre. Un pot final festif sera offert et en musique avec tout ce monde-là. Bon, c'est donc 15h, je disais. En cas de mauvais temps, le spectacle sera reporté, mais paraît-il qu'il fera beau. Le spectacle sera reporté à la salle des fêtes de Bussan, un peu plus tard, à 16h, le temps de s'adapter. Donc, bienvenue pour Blanche Mère. Mais pas au lac de Blanche-Mer, à l'étang des sources de Bussan, dimanche, par la troupe recrée et les troupes annexes, Jeux de Plumes d'Épinal et Quais d'Allumé de Thiéfos. Bonsoir, voici la première émission de la rentrée sur RGM de Vivre et Créer à la montagne. Et donc, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cet été qui a été très plein, notamment des retours sur le Théâtre du Peuple, Cyrano, Duras, etc. Voilà, et d'autres événements que nous avons enregistrés. Mais là, il y avait hier, c'est-à-dire le jeudi 21, il y avait hier l'équinoxe d'automne à Troisième Rive. Troisième Rive, huitième scène ouverte, et donc on aurait pu, avec des moyens plus rapides, ou bien la passer en léger différé, ou voire en direct. Mais bon, il se trouve que on l'écoutera un peu plus tard, cet enregistrement d'hier. Et là, je vous propose de faire un saut en arrière de l'équinoxe au solstice. Au solstice, le 22 juin, où nous avions une scène ouverte aussi de 3 heures, très riche. À Troisième Rive aussi, elle était prévue aussi à la Guinguette, mais le temps n'avait pas permis à ce moment-là. Alors on s'est replié en notre chère Troisième Rive, et là, eh bien, nous avons fait 3 heures de poèmes, de chansons remarquables, comme vous allez pouvoir l'écouter. Alors donc, c'est un retour en arrière de 3 mois, un retour saisonnier, si je peux dire, au début de l'été, maintenant qu'on est au début de l'automne. Voilà. Alors, en plus, vous entendrez les voix, notamment, si je ne me trompe, pour les présentatrices de Mathilde, de Léa et de... Alors, il y a du vent en ce moment, c'est pour ça qu'on entend les volets qui claquent, de Léa... De Mathilde, je dirais, et de Yola, notamment Yola qui, de plus, nous fait le plaisir d'intégrer RGM, Radio des Mozos, puisque elle est maintenant service civique depuis avant-hier, je crois, très peu de temps, lundi. Voilà. Eh bien, je vous invite à écouter cette scène ouverte d'il y a 3 mois, qui n'a rien à envier à celle d'hier ou celle-ci ou l'autre qu'on n'a rien à envier non plus. Bon, bref, tout va toujours très bien et c'est reparti pour les scènes ouvertes et aussi un peu plus tard les ateliers d'écriture. Et là, c'était une scène ouverte qui était prévue à l'école supérieure d'art de Lorraine avec des personnes avec des participants, étudiants, étudiantes de cet institut, donc de cette école. Voilà. qui promet de nous rejoindre bien en créativité tout au long de l'année. Voilà, eh bien, bonne écoute et à bientôt. À bientôt, à tout à l'heure, quoi, pour la conclusion dans 3 heures. Ah ben, génial. On est super heureux de vous retrouver finalement ici. Alors, on est désolé pour le temps, on ne le maîtrise pas malheureusement, mais voilà, je pense que ça va super bien se passer ici aussi. Et on vous attend sur scène très bientôt. Je vais commencer avec la première personne. Oh, déjà, voilà. Il est encore temps de s'inscrire. Oui, vous pouvez vous inscrire tout au long de la soirée dans le chapeau. Et les petits bouts de papier ici. Faire une petite présentation pour ceux qui connaissent pas les machins. Ok. Alors, j'explique pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc, ici, on est au tiers-lieu Café Associatif 3ème Rive et on vous propose une scène ouverte. Donc, il y a le micro, le pupitre si vous avez un texte à lire. Un texte qui peut être de vous, qui peut être un texte emprunté. Mais en tout cas, que vous pouvez déclamer ici même, ou simplement écouter la belle poésie qui va se dire ce soir. Voilà, encore une fois, on est tous heureux de vous accueillir. Je vois dans le fond qu'il y en a qui sont arrivés. Super. Alors, je vais commencer sans plus attendre. Oh là là. Et les chansons aussi. Oui. Il y aura des chansons aussi. Oui, bien sûr, vous pouvez aussi amener une guitare et un piano, faire une petite chanson. Si le cœur vous en dit, il n'y a pas de souci. C'était prévu pour la guinguette, donc voilà, on est preneur aussi. Alors, Nico, long était le chemin. Ah, désolé, tu vas avoir le plaisir de démarrer la soirée. Ne soyons pas désolés, encourageons-le. Ouais. Ok, super, oui, recoiffe-toi, je te laisse le micro. Tu peux poser ton petit cahier. C'est parti. C'est bien, vous êtes tous attentifs. Super. Bon, c'est un poème, il y a aussi une nouvelle version, mais c'est pas très long. Hein. Donc je vais lire les deux versions en fait. Alors long était le chemin que je parcourais un matin, un beau matin de juin, pour rejoindre la femme dont j'avais le béguin. Quand j'arrivais, elle était dans le jardin. Elle arrosait son jasmin, une dégustatrice de thé qui se délectait, rien qu'en respirant la fumée, jasmin pour faire du thé, et du thé pour déguster. Elle m'invita à entrer et me montra des dés. Mais c'est là que le bât blesse. Dédé, c'est pas un homme, mais c'est un chien qui n'est pas dans le besoin. Un chien câlin, je le voyais tout en marchant, elle souriait, montrait ses dents. Il était un chien câlin. Donc il y a une nouvelle version là. Donc, je triche un petit peu parce qu'il y en a deux. Voilà. Juste, je rappelle, on commence déjà à tricher, donc je rappelle quand même. C'est malheureusement un texte par personne, mais il y a deux passages, il y aura une petite pause et vous pouvez remettre votre nom dans le chapeau. Après, si c'est sur le même thème, il n'y a pas de souci, vas-y. Mais voilà, c'est juste pour. De long était le chemin. Okay. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, long était le chemin que je parcourais un matin, un beau matin de juin, pour rejoindre la femme. Attendez. dont j'appelle le béguin. Elle habitait une maison isolée, masquée par le passé, par la poussière des années. Les batailles se sont succédées sur le terrain dénudé. Mais ce furent des événements sans lendemain. Demain est un grand jour, celui de l'amour, amour avec un grand A, et je serai payé. Mais que de déception si ce n'est pas dans ses intentions. Et je serai papa, excusez-moi. Que je sois papa, mais je ne sais pas, et qu'elle pense au fond de mon cœur. Si intense, je n'aurai pas le bonheur d'avoir un fils, si elle n'en désire pas. Mais je ne suis pas comment l'approcher. Il existe entre nous un fossé, il suffit de le franchir d'un pas. Un pas, mais le bon, car autrement, on tombe dedans. Bravo. Un copain qui faisait qui jouait de la guitare, donc c'était une composition que j'avais faite à l'époque. Super. Oh, d'accord. Regardez, wow. C'est gagné de temps en temps. Ça, vous avez entendu le conseil, du voilà. Coup, on garde tout. Merci Nicolas, bravo. Franchement, c'est pas facile de démarrer. Tu l'as bien fait, super. Et c'est pas facile encore plus de dévoiler ce genre de pensée, d'intention. Donc merci. Alors, je passe au suivant. Au suivant. Qui est Secundino. Ah, il est là. C'est parti, Secundino. Il est pas là. Ah, si, il est là-bas au fond. Ah, oui. On l'encourage, on l'encourage. Merci. Ah bah, il va falloir que je cherche. Oui, vas-y, prends ton temps. Ouh, les pieds dans le tapis. Il va y avoir une fois, il faut se prendre les pieds dans le tapis. C'est ça. C'est vrai que c'est dangereux, ça. Ah. Ouais, il faudrait mettre un. Ouais. Prends. Il aurait fallu le rouler dans l'autre sens. Pendant une nuit pour faire ça. Il a été mouillé à la garde. Ah, ok. Se séparer du plus beau costume pour tenter Marie-Lune, qui lui offre son plus beau sourire. Elle qui a conquis l'Amérique et son blé, parce que les artistes sont de fabuleuses mères. Le diable brode toujours son complot. Quand il l'a fait. Pour Ève, ainsi, aucune de ses conquêtes ne lui résiste. Parfois, fidèle à lui-même, il retourne sa veste pour en montrer la broderie. Le diable s'est paré du plus beau costume pour tenter Marilyn, qui lui offre son plus beau sourire. Elle qui a conquis l'Amérique et son Dieu, parce que les artistes sont de fabuleux visionnaires. Marilyn qui magnifie de beauté toujours souriante, qui cache une grande tristesse. Mais point naïve, dans un désespoir et non tenté, elle sait les surfaces à lui avec dégoût. Le diable s'est paré du plus beau costume pour tenter Marilyn, qui lui offre son plus beau sourire. Elle qui a conquis l'Amérique et son blé, parce que les artistes sont de fabuleux visionnaires. Lui a offert l'Amérique et sa cuisine, avec le meilleur blé, en échange de son corps. Mais l'âme de Marilyn à ce moment-là est ailleurs. Le diable s'est paré du plus beau costume pour tenter Marilyn, qui lui offre un beau sourire, son plus beau sourire. Elle qui a conquis l'Amérique et son blé, parce que les artistes sont de fabuleux visionnaires. Encore aujourd'hui, elle rapporte du blé à ce macro et ses complices qui, eux, souffrent de son absence charnelle. On les voit comme des monstres.

cachés dans le ventre du violoncelle et sous la rime d'un verre ébréché. Va ton voyage, va ta vie, coule ton regard sous les choses. Les rendez-vous de poésie ne sont pas là où l'on suppose. Alors j'ai retenu une phrase, les rendez-vous de poésie ne sont pas là où l'on suppose. Donc on va essayer aujourd'hui quand même de faire vivre la poésie dans un endroit qui est prévu pour. Mais j'ai bien aimé cette phrase, merci. Merci pour la musique. Mais pas la guinguette. C'est à la guinguette. Non, bon, la guinguette bon, on va essayer d'oublier cet épisode. Et d'écouter Filmo. Ah, Filmo. Qui est Filmo? Vous ne connaissez pas, vous l'avez jamais vu. Bravo Christophe, bravo, le courage, allez. Je pense que tu n'as pas besoin du micro aussi. Ah ben, si tu veux, je veux bien. Oh, le micro, ça donne. Juste, j'ai oublié un petit truc quand j'ai présenté. Tous ceux qui viennent sur scène, qui font l'effort et qui ont le plaisir de se dévoiler un peu à vous, ont un verre de punch offert. Donc, pour les récompenser de leur courage. Donc, Christophe, n'oublie pas d'aller chercher après. Et tous ceux qui sont passés aussi, vous pouvez y aller. Vorgi, Secundino, Nicolas. Voilà. Je te laisse la parole. Merci à vous. C'est bien sympathique. Il vaudrait mieux aller boire le verre de rhum avant de faire du spectacle, non? Comme si on serait plus branché, là. Enfin, moi, je me dis ça. Je vais imaginer que j'ai bu plein d'alcool et que je suis un prince qui perd son froc. Parce que je perds vraiment mon froc, mais je suis pas très prince. Alors, j'ai écrit une pièce de théâtre qui est envisagée comme pièce pédagogique. En raison du sujet qu'il aborde. Il aborde un sujet tout simple qui sont les sentiments. Les sentiments, les émotions. Vous connaissez quoi comme émotion, vous? Par exemple, si on révise les sept nains, ou brièvement... Joyeux. Hein. Joyeux, d'accord, Yamblin. Travailleur. Un travailleur, non, il n'y a pas travailleur. Amoureux, non, il n'y a pas amoureux. Ah, grincheux, oui. Grincheux, c'est la colère. Hein. Simplet, c'est la surprise. Vous en connaissez d'autres? Timide, c'est bien. Hein. Bah, là, il y a une dame qui est partie clairement concernée. Là. Elle se rappelait bien du mot. C'est bien, on vous remercie. Prof, tout à fait. Achoum est lequel est celui qui nous manque tout le temps? Dormeur, voilà. Alors le joyeux est assimilé dans les sentiments à la joie, d'après Bettelheim, qui a traduit en psychanalyse, c'est pour expliquer brièvement, hein, puis après on passe à la pièce. Donc que le joyeux c'est la joie, que grincheux c'est la colère, que prof c'est l'anxiété, le dégoût, que simplet, c'est la surprise et les soucis. Timide, c'est particulièrement la tristesse. Et puis, atchoum, c'est la peur. Et dormeur, c'est la frayeur. Voilà, alors ça, ce sont les sentiments, d'accord? Donc, j'ai essayé de retranscrire une pièce qui, à travers des mineurs, du XVIe siècle et du XVIIe siècle essayaient de prononcer des termes en joyeux, en dormeur ou autre. Mais j'ai particulièrement choisi la pièce à partir du moment où le prince entre en jeu comme dragueur invétéré. Alors il essaye d'être à la fois joyeux, triste, colérique, et il essaye d'avoir les sept sentiments. Donc vous essayez de vous accrocher, hein, parce que c'est pas facile. Je vais essayer de vous faire les sentiments au brûle pour point. Alors, recollez à votre prince, mon sage. Molécule dans le temps et transformez-vous. Au bord du lac, sans précipice. L'odeur de sève, de pain, non, ça déconne. Non, j'en ai besoin. Mais je mets à distance, là. Au bord du lac, sans précipice, l'odeur de sève, de pain vivifie, je flotte. Et décolle, rit et chante. On a soulevé la plume et ralenti le Gulf Stream. On a glacé le nord de la terre, les lacs, les rivières. On a ouvert, balayé les frontières. Dans une même galaxie, les planètes unies. Le tout reconsidère l'homme comme vérité. Dans un parfum éternel, vous en étiez bien accoutumés. La vie ensemble est partagée. Bon, ça c'est l'intro. Voyons ce que dit un prince à... je l'ai appelé BN, comme on dirait Blanche-Neige, mais en fait, moi, je l'ai appelé Bonne Nouvelle. Donc, le prince. Pour les gens qui suivent, à suivre, m'amuse, car il n'y a que de l'exceptionnel. Ah, voilà une fille. Bonjour, ma louve. Bonjour, renard. Je vous ai déjà vu, entendu, et mon cœur est en émoi. Vous êtes voyant. Mais n'êtes-vous pas la princesse qui pense à haute voix? Ça m'arrive. J'ai foi en votre âme, un désir brûlant et la soif de l'éteindre. Votre regard pur et joyeux enchante mes journées solitaires. Le regard reflet de l'âme, je vous devine chaque jour, mais votre corps est absent. Le regard, me voilà, mais que me voulez-vous, beau prince? J'ai rangé dans le chaud de mon cœur une petite place pour un seul bonheur, peut-être la plus grande, il faut visiter. Et peut-être je voudrais bien prendre votre main, fantasmer à vos côtés. Et elle lui répond, c'est le théâtre de la vie, j'y pensais ce matin. Oyez, oyez, bonne gens, demoiselles, damoiseaux, que le Syrah chante. Que le Bourgogne coule à flot et le champagne bien à sa voisin, à sabré. J'ai trouvé ma dulcinée, Bourgogne coule à flot, champagne bien à sabré. C'est le jour de notre vie, la rencontre de deux êtres passionnés, dans l'instant diverti, épanoui. Quelle heure est-il? Quand on est dans un peu, on peut multiplier. Ben, c'est plus facile pour se garer. Et on a des étages et des couleurs. Alors là, elle lui répond « Vis en moi ». Et lui répond « Aime en moi ». Et les gloutins, eux, sont très étonnés de ce scénario. Et voilà qui délire au préambule. L'un dit « Mais dis BN, c'est quoi être amoureuse ?» Et lui dit « C'est quoi croiser le regard de l'âme ?» C'est quoi ressentir les effluves? C'est quoi toucher un corps qu'on aime? C'est quoi avoir le pied qui gratte? C'est le début de la deuxième partie de mon livre. C'est quoi fermer les yeux? Je suis à page 40. De quoi elle est aveugle? Je n'avais pas d'autre texte. Je ne peux même pas en placer une. Deuxième partie du livre. L'amour, c'est l'invisible qui reste, l'impulsion qui progresse, le devenir à garder. L'amour, c'est le souffle chaud d'un éclat bleu, une ombre qui vous habite et le bonheur d'être deux. Voyons dans la même direction. Et c'est donner, partager, rire, jouir, aimer, se sentir aimé, à vous de jouer. Merci quand même pour le chocolat. C'est quand même bien confortable. On va dans le noir, les pieds dans l'eau. Et comme des gastéropodes, bien bon écho suspendu du roulis clapote, flapote, flapote. Merci de votre venue. Allô, allô, allô. Pour la galerie, c'est la même direction. Pour les raisons du savoir, vous ne verrez pas d'anciens mineurs ce soir. Bravo. Bravo. Christophe, super, l'absurde en grand et en... Je ne sais pas, j'ai plus de mots, tellement tu m'as étonné comme d'habitude. Ah bon ? Ouais. On croirait que tu viens d'une autre planète en fait. C'est le cas. Hein. Mais c'est ça. C'est ce que me dit ma maman. Il vient d'une autre planète. Mais je viens vraiment d'une autre planète, j'avais oublié de le souligner. Voilà. Ah, bah simplement, voilà, c'est pas Christophe, c'est pas hors norme. C'est pas loin d'ici, c'est voilà. Pas loin d'ici. C'est ailleurs. C'est d'ici. Il est là-bas, le chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Eh bien, on a... Qui est-ce qu'on a ? On a Kiko. Kiko, ah ! Kiko. Dis, petit homme, quelles sont tes aspirations ? Tes grandeurs projetées sur des rêves en papier, tes grands papillons d'espoir, tous cerclés de noir. Dis, petit homme, que crois-tu que tu penseras lorsque tu seras devenu en âge de bien raisonner, lorsque tu seras devenu lâche et bien apprivoisé. Dis, petit homme, pétri de convictions falsifiées, as-tu jamais eu un doute pervers? As-tu jamais essayé de vivre ta vie à l'envers? Regarde, petit homme, tu as grandi trop vite dans le destin usé de ta vie, dans le costume mal taillé de ta mort. Dis, petit homme, et si tu me racontais, encore une fois, ton histoire. Bravo. Bravo, on veut bien entendre cette histoire la prochaine fois. Ça donne un petit suspense. Qui va passer ensuite, c'est notre amie Félicie. Ah. Oh, bravo Félicie, on t'encourage. J'adore les textes de Félicie, je vais écouter avec attention. Tiens, vas-y. Non. Pas de dépréciation avant de... Voilà, sois fière de ce que t'as fait. J'ai fait un autographe, j'adore ça en fait. C'est dans un atelier que j'ai appris à faire des tautogrammes et je m'éclate dessus à chaque fois. Donc la semaine dernière, Vincent nous animait un atelier sur les ballons. Le ballon, ça descend du mot belle en celte, hein, Vincent, c'est ça ? Oui. Et en fait, donc, il avait décliné plein de mots qui descendaient du mot ballon. Balle, bolène, belle-aile, etc. Donc, je vais vous lire un passage court. Alors, au bal, le bel Apollon a décidé de jouer au ballon avec une balle. Entre parenthèses, quelle idée, c'est beaucoup plus petit. Du coup, sa partenaire décida de ficher le camp avec un blond comme les blés. Quel manque de bol, pas si futé que ça, Apollon. Et puis, je vais vous lire l'autre petit texte qui est un peu plus poétique. Voilà, on avait choisi des mots, comme on fait souvent, et on élaborait un petit poème. Alors, ouest bleu, lune, confusion après nuit, rencontre du soleil qui se couche en orange et de la lune qui se lève de ses reflets bleus. Sirius rose s'effile comme une jolie toile dans le ciel. Jaune, et les matins de juin, soleil souvent pâle, timide. Rouge soleil du sud qui illumine, presque brûle, chauffe les os, les veines, le cerveau, qui fait scintiller l'eau comme de brillants diamants bruts et qui se scintille lui-même dans l'eau. Dans la nuit noire retors où le nord se tord, s'essore, il n'est plus de ciel bleu, de la lumière, du soleil, mais le blanc, le noir. Blanc, silence colorique, absence de toute couleur, ou le noir, saturation de toute couleur. Odin, fille, tissait les destins comme des toiles d'araignée, fines et argentées sous le soleil encore timide d'avril. Elle ne veut pas se découvrir d'un film. Ça, c'est Woolsey qui l'a dit. Voilà. Est-ce que Léa, tu veux tirer le prochain papier? Bravo Félicie, merci encore pour ta poésie. À bientôt aux gens qui nous quittent. Pas de soucis, pas de soucis. À bientôt, on espère. Merci. Bonne soirée. Et notre prochain poète, poétesse, ça pourrait être un nom pour les deux. Je sais que j'ai déjà vu ce nom, mais je ne sais plus qui c'est. Lilith. Ah, Lilith. On encourage Lilith, s'il vous plaît. Un énorme saut de planche à finir ce soir, ça va pas être triste, donc s'il vous plaît, venez chercher votre verre, il y a aussi des softs, bien sûr, on n'encourage pas la consommation abusive d'alcool, mais voilà, n'oubliez pas, après votre passage. Bonsoir. Alors, c'est un rap que j'ai écrit sur les réseaux sociaux et que je vais essayer de vous déclamer ce soir. Sur Insta, Facebook, tu fais grave attention à ton look. À force de te regarder à la loupe, tu te loupes. Tu confonds grave ta tronche et ta croûte. Tu te perds de vue, tu veux nous en mettre plein la vue. Jusqu'à en oublier que ton être lui morfle grave dans la rue. T'es plus en capacité de citer les beaux vers de Racine, de hommes qui se débinent, servent et bouffés jusqu'à la racine, dominé par la machine, même pas ça te mine, de mater les gogos dans les magazines, t'es atteint de cécité, par nécessité, c'est même plus ce qui se passe dans la cité, plus le droit de citer, sauf immédiatement de comparaître, et talent sans talent, ta risible existence, tu as trouvé ton maître. Oh, tu t'es avéli, passant le plus clair de ton temps dans ton lit. Oui, tu t'es avéli, passant le plus clair de ton temps dans ton lit. Sur TikTok, t'es toc-toc, t'as développé des tocs. Qu'est-ce qu'il t'a dit le doc, il t'a prescrit à bloc. De Paris à Bangkok, tu fais le coq, le ventriloque, tu soliloques. Alors tu connais même pas Herbie Hancock. Tu endosses le rôle du crédule que l'on t'a assigné. Au tribunal des troupes à la visite, tu seras assigné. Tu n'as plus le choix maintenant que tu as signé. Un blanc sein qui va se charger de te saigner. Devant l'écran de son écran, sang qui se coagule, déploie ses tentacules et sans préambule. Alors, connexion en partage, puis ça le frisson. Et ça part en freestyle, tous à l'unisson. Pile sur le fil de l'info jusqu'au mur du son. Ouais, c'est clair, t'as trop le style, t'es un bon maillon. C'est l'escalade, ça vibrionne jusqu'à Dayton, il est temps de procéder à la moisson. Une rafale de clics, c'est chic, c'est bon pour l'ego et les geeks. Sur ton ardoise magique, c'est l'orgie, yep, c'est la panique. Loin de l'époque anti-critique de la zététique, dans la lumière noire magnifique, tu es extatique. Ta vie, tu l'exposes, tu zooms, ça fait le buzz, t'as même plus d'intimité. Parmi les oiseaux, tu t'embrasses plein en face sur des atrocités. Sous ta panoplie, tu en oublies l'ignominie de tes infamies et abrutis dans tes insomnies que porte conseil la nuit. Avec son cerveau malade, un foutu mélimélo de salade, il met en vente une vie minable, des idioties inavouables. Sur un malentendu, un inconnu a sonné pour lui la lali, et comme alibi pourri, il confie qu'il a côtoyé la lie. Derrière ton interface, t'as beau jouer à pile ou face, ton rêve se fracasse et tu prends le réel direct dans la face. Lui, la crainte pour exister, c'est toujours de recommencer. Si t'es pas assez incisif, on te piffe au canif, bien que je te brise sur la toile, mais pas qui veut calife. Mais les têtes sans tête à l'aveuglette ne savent plus comment imprimer. juste un instant, se récrier, se rengorger, tout au fond des gosiers, un drôle de précipité qui ira verser dans le fossé du passé, bouffonnerie tragique de l'insensé jamais rassasié. Sur tous les réseaux décharnés d'infos, on encharrie à la pelle, bourré de pixels, de vindictes criminelles douces comme du fiel, tu assistes mutique au massacre d'une divine colombine, carrousel d'un spectacle démentiel, de la dentelle au scalpel. Allez hop, à la poubelle. Et en sous-texte de tes prétextes, comme un vieux réflexe, une génuflexion, t'as abandonné dans ton bidet toute velléité de réflexion. Ça fait vraiment la différence quand tu simules la transparence, que tu recycles des idées rances, des idées vieilles comme la France. Loin des canons de la raison, pas enviable, juste monétisable, instable, tutable sur une fable ajustable et un bon plan comptable. Depuis le temps que l'on te braque, tête coincée dans le sac, on a fait de toi un mendiant chronique, rêvant des tropiques, un maniaque du cac, de la banque qui claque et qui raque, un monstre effrayant de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors que tu dors couché comme un médor dans la boîte de Pandore, aux abords des conquistadors, des mentors de ta bouffon de l'or, éveille dans cet enfer à magnifier ta vie, mon trésor. On te maraboute pour que tu gardes le cap sur la route, que tu gagnes sans broncher ta croûte, de distiller des certitudes goutte à goutte, pour coûte que coûte, écarter sans hésiter le doute. Et en dehors des dictates, des pseudo-démocrates, des plutocrates, même pas un hashtag je me tâte, même pas un hashtag je me tâte. Bravo. Ah ouais. C'était vif. Merci Leïla. Merci beaucoup. Et maintenant, dans un probablement tout autre registre, nous accueillons le président. Aïe, aïe, aïe. Vincent. Petit rappel pour ceux qui ne le connaissent pas, nous le surnommons très amicalement et avec un peu d'espoir, le président, car Vincent est donc président de l'Union des écrivains vosgiens, qui est l'association qui chapeaute les ateliers d'écriture des jeudis soirs et les scènes ouvertes que nous organisons régulièrement. Voilà. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Voilà. Donc, premier texte que j'ai là, il sort d'un atelier d'écriture qu'on a fait la semaine dernière, et c'était un atelier d'écriture sur le soleil. Et le feu du ballon qu'on n'a pas fait, puisqu'il est interdit, et on devait lire des textes solaires, et qui sont là, dont Félicie a donné un aspect. Alors voilà, voilà. Encore sur le cahier, même pas porté ailleurs. Fulgurance du beau, ample de l'absolu, s'arrache les neutrons aux frontières des mondes. Ouais, j'ai oublié de dire, on avait fait une séquence avec une musique sidérale, bon, ouais, que j'ai pas là. C'est dommage. Ouais. Illimité recours aux imagines air, frétille l'infini sur la voûte du crâne. Achève le strident, les orgues de sauvage, surgit du silencieux trou sombre de la mort. Les milliards par milliards, les étoiles sont aussi dans nos têtes. Et nous sommes un peu, beaucoup, passionnément, le feu qui harcèle les ombres. Et sombre héros, pulsar basané au crucial des fugaces, promesse hors de nous. Musique des solaires, vent qui, en tourbillon, accélère les songes, éveillés ou meurtris, voués au puits du temps. Un dieu rit, est-ce Dieu? Au bout de la musique, il se moque venu d'un inconnu éclaté, il rigole, des paradis marioles. Car plaisanterie est le vif et l'absolu, la parole qui crée l'universel soleil. C'est mal écrit, mais voilà. Non.

difficile de revenir sur scène et de reprendre la parole après ça. Merci Michael pour ce moment très émouvant. Merci beaucoup. Que se passe-t-il? Que passe-t-il? Non, je lui suggère un papier, c'est une personne qui doit partir. Ah, d'accord. Dans pas longtemps, voilà. D'accord, très bien. Eh bien, je suis navrée d'apprendre que tu vas partir dans pas longtemps. mais je suis contente de t'entendre. Donc, Franz, si tu veux bien venir nous partager ce que tu as à nous partager avant de t'en aller. Voilà. Franz, messieurs, dames. Effectivement, pas facile de passer après ça, mais je suis dans le domaine du compte, donc c'est quelque chose de beaucoup plus léger, peut-être moins entreprenant, quoique. Des comptes, j'en ai déjà raconté quelques-uns ici, et aujourd'hui, j'ai voulu en raconter un qui dure normalement un peu de temps. Enfin, ceci dit, je peux le faire durer plus fort. J'ai ma micro, alors. Je peux le faire durer plus longtemps, mais on va essayer de le faire un peu plus court. Comment ça marche, moi ? Bien. Le fils du roi. Le fils du roi. Tu vois ? Le fils du roi. Ah, vous le saurez. Le fils du roi se prend pour un coq. Le fils du roi. Se prend pour un coq. Le fils du roi se prend pour un coq. En fait, c'est le prince. Le prince se prend pour un coq. Un crapaud. Ben parce que c'est un coq. Le prochain conte, ce sera sur le crapaud, je te jure. Pour l'instant, c'est avec un coq, c'est tout ce que j'ai trouvé dans la basse-cour. Le prince se prend pour un coq. Il a décidé qu'il était un coq. Il s'est déshabillé. Il a été planqué en dessous de la table de la salle à manger. Il est nu. Il mange du maïs. Et il fait le coq. Ah, vous avez tous vu un coq, hein. Vous habitez Épinal, donc vous avez vu un coq. Je serai à Paris, évidemment, peut-être que ce serait plus difficile. Mais le prince se prend pour un coq. Le prince est nu, il mange du maïs sous la table de la salle à manger. Il se prend pour un coq. Le roi, il en a marre, il a fait venir un tas de monde, les plus grands savants du monde entier, pour venir voir son fils, puisqu'il est destiné quand même à conduire le royaume. Rien n'y fait. Tous les plus grands savants sont venus, aucun n'a pu le dissuader d'être un coq. Il reste coq. Ceci dit, dans le château, les serviteurs et les servantes... Le fils du roi. Le fils du roi. Le prince. Un coq. Les gens dans la rue, ils se disent plus bonjour. Et on entend ça, et ça caquette de tous les côtés, ça caquette dans la ville, ça caquette dans le royaume, et même les royaumes autour de ce royaume se moquent du fils du roi qui se prend pour un coq. Donc il a tout essayé. Et un jour, il y a un type assez âgé, cheveux blancs, barbe blanche, habillé tout en blanc, qui arrive au pied du château fort et qui interpelle le garde. Garde ! Garde ! L'autre, il lève un œil. C'est l'heure de la sieste, qui vient me réveiller ? C'est moi, là, je suis en bas, laisse-moi rentrer. Et pourquoi veux-tu que je te laisse rentrer ? Parce que je viens voir le fils du roi pour le sauver, pour le guérir. Mais comment tu vas faire? Mais c'est pas compliqué. Pour sortir quelqu'un qui est dans la boue, il faut être dans la boue soi-même. Ou avoir été dans la boue soi-même. L'autre, il comprend pas, il dit tu peux me le répéter, mais plus lentement. On ne peut sortir quelqu'un de la boue qu'en allant dans la boue soi-même. Pas compliqué. L'autre, il comprend rien. Il va voir le roi, il lui dit il y a un type qui est là, qui raconte des histoires à dormir debout. Bon, c'est un mauvais jeu de mots, quand même. Des histoires à dormir debout, et qui vient et qui dit, je sais pas, quand il y a beaucoup de boue, on est dans la boue. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait, ce bout à bout, mais il va aller bien un truc, quoi. Le roi dit, allez, laisse-le rentrer, de toute façon, on n'est pas après, laisse-le rentrer, on va voir ce qu'il peut faire. Le mec, il arrive, il rentre dans la pièce où il y a le coq, sous la table. Et il fait comme lui. Il se déshabille. On le retrouve complètement nu, avec le fils du coq, en train de manger du maïs. Et ils sont là tous les deux. Ça va toi? Et je te mange du maïs, et je te mange du maïs, et je te mange du maïs. De temps en temps, il leur jette quelque chose d'autre. Non, il mange du maïs. Au début, le prince coq, on va l'appeler comme ça, le prince coq, il a été quand même un petit peu étonné, mais voire même qu'il lui a foutu quelques coups d'aile, ou quelques coups de griffe. Et l'autre, non, il est resté quand même, ils se sont battus, ils se sont chipouillés, mais bon, finalement, il a accepté la cohabitation sous la table. Donc ils sont là, tous les deux, à manger du maïs. Et puis un jour, le savant, on va l'appeler savant. Le savant, enfin l'autre, et il dit au prince coq, moi j'ai envie de manger un rôti de sanglier. Mais si, tu verras, c'est bon, du rôti de sanglier. On peut manger du rôti de sanglier même en étant un coq. Tu crois? Oui, oui, c'est écrit dans les annales, de toute façon, on a le mode d'emploi, le mode d'emploi du coq, là, peut manger du sanglier. Donc le fils du coq, il se laisse faire et commence à manger du sanglier sous la table au lieu de manger du maïs. Et le savant avec lui, le savant coq, mange du sanglier avec lui. Donc ils sont là maintenant tous les deux à manger du sanglier. Ceci dit, c'est toujours des coqs. Et le savant coq lui dit, mais... et si on sortait de dessous la table? Non, il n'est pas question que je sorte de sous la table. Moi, je reste sous la table parce que là, on est à l'abri, personne ne vient nous embêter. Mais si, tu verras, on va aller dans la salle. De toute façon, tout le monde est parti. Les serviteurs sont partis, les servantes sont parties, le roi est parti, la reine est partie. Ils sont tous partis, de toute façon, on va avec tous les deux. Donc, ils sortent de sous la table, tous les deux. Ils sont donc nus, en train de manger leur rôti de sanglier en dehors de la table. Et le savant coq dit, mais et si on s'habillait, parce qu'il fait un peu frais ici, et si on se mettait quelque chose sur notre dos? Ben non, tu crois, moi je suis un coq, je suis pas habillé. Un coq, ça s'habille pas, ça a des plumes, mais ça s'habille pas. Oui, mais là, regarde le mode d'emploi. Le mode d'emploi peut s'habiller selon l'occasion. L'occasion, il fait froid, puis une bonne occasion. Donc le prince coq enfile son pourpoint, enfile sa chemise, enfile sa veste, etc., et s'habille. Et si, au lieu de manger par terre, on allait manger sur la table, c'est peut-être quand même mieux. Donc ils vont manger tous les deux leur rôti de sanglier sur la table, et ils commencent à parler. Petit à petit, le prince coq dit, mais qu'est-ce que je fous avec tout ça? Pourquoi j'étais sous la table? Il commence à se rendre compte que finalement, il est plus prince que coq. Il dit, j'étais coq? Non, mais c'est un mauvais rêve. Oui, oui, c'est un mauvais rêve. C'est un rêve que tu as fait, c'est du passé, on n'en parle plus. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que tu es prince, et que tu manges du sanglier, et que tu es habillé, et que tous les deux, on va devenir d'excellents amis. Surtout quand tu seras roi, tu auras besoin de quelqu'un à côté de toi, je serai là. Ah ben, pas de problème. Et le roi rentre, il était parti à la chasse, bien entendu, comme dans tous les contes, les rois vont à la chasse. Et il rentre de la chasse, et donc il revoit les deux qui sont là, donc le savant coq et le prince coq, qui sont plus du tout coq, au Casavant, et un prince qui sont en train de discuter sur les lois du royaume, comment faire pour que les gens soient heureux, etc., etc. Le roi, il n'en croit pas à ses yeux. Il dit, mais alors mon fils, ça y est, tu es guéri. Ben, j'ai jamais été malade. J'ai fait un mauvais rêve, mais j'ai jamais été malade. Donc, c'est du passé, n'en parlons plus. Et donc, petit à petit, le prince rentre dans les affaires. Le roi le nomme roi à son tour, démissionne de son nom, de son truc de roi, parce que ben, il était vieux. Et puis que c'est bien dans l'histoire. Donc on va le mettre roi. Donc il devient roi et il gouverne le royaume d'une manière extraordinaire. Mais vraiment, c'est un bon roi dont tout le monde se souviendra dans toutes les histoires. Et donc tout était redevenu normal dans le meilleur des mondes. Mais de temps en temps, les jours de pleine lune, plutôt les nuits de pleine lune, la petite porte de la grande tour du donjon s'ouvre. Le prince monte une à une les marches qui vont jusqu'au sommet du donjon. Et arrivé au sommet du donjon, Coco est gros ! Coco est gros ! Oh. Merci France pour cette superbe histoire. J'étais avec ces deux coqs sous la table et oh puis on a bien rigolé. C'était très sympathique, très sympathique. Et notre prochaine poétesse, c'est Aurélie. Ah. Alors, moi, j'avais rien de spécial pour ce soir. J'ai pas eu le temps de réécrire. J'ai loupé pas mal d'ateliers d'écriture aussi. Donc, je me suis dit que j'allais un petit peu tremper la chemise et que j'allais lire la deuxième partie du livre que je suis en train d'écrire. Donc, je me jette un petit peu à l'eau. C'est un sujet très gai. C'est une entrée en clinique. Apparition d'une chandelle. À mesure que l'esprit se consume, le corps en mouvement domine. Je n'existe plus. Long couloir se devine, et au-delà, la lumière. Tout dans la tête, éparpillé. Chaque pensée à la recherche d'elle-même. La campagne touche des kilomètres d'interminables bandes de pansements gris, et un reste de petites fenêtres s'échappe dans l'évaporation de la bouche hivernale. Il pleut. Les vitres humides d'un véhicule hospitalier pleurent pour l'œil. Nul ne suppose un tel défaut d'amour aux épaules. Mais tous restent. La joie ne semble pas loin. Sais-tu qu'elle existe ? Voilà que s'éloignent les terminaisons d'un présent que le patient porte, vécu. Voilà que la peau contre la paume se saisit de la main. Et le matin, et les secrets qui ne disparaissent jamais. La chambre ne semble pas très loin. Sais-tu que ces rideaux sont blancs ? Des valises forment un désordre coloré. Un spectacle bien triste à regarder. Tous les visages présents s'y agrippent aussi fortement que leur douleur pure. Il faut s'y faire. Se faire à l'idée d'être de ceux-là. Tu sais que tu ne peux pas ne pas avoir été, exister vivante, autrement que le fait de placer un pied devant l'autre. Tu marchais comme aujourd'hui. Le but seul était différent, puisque tu aimais aimer. Tu aimais la vie juste pour l'aimer dans l'autre et l'animal au cœur de sa nature. Quand l'amour s'est perdu, tu es tombé dans l'obscurité de la terre. Tu as gratté la matière jusqu'au sang, mais la tête a suivi le ruissellement des profondeurs et les yeux ont fini par te noyer dedans. De la terre tout autour de la bouche rien d'autre que de la terre qui en sort. Ton reste n'est pas carcasse, caché debout, reste auprès d'eux. C'est un matin d'hiver. Tu as un joli prénom. On te parle, te regarde, ta conscience réclame le silence, le blanc des rideaux, ta présence. Il est midi et l'amour pour toi est devenu sécable. Vivre et sommeiller dans un rectangle de rideaux blancs. C'est un matin d'hiver. Non, tu n'as pas vraiment de prénom. Tu marches bien loin de ton ombre, qui pourtant ne te quitte pas. Super, merci Aurélie. Si on peut lire le livre bientôt, tu nous préviendras. Et maintenant, c'est au tour de Robin. Ah, il est par là apparemment. Pour encourager fort, c'est une première. C'est la première fois que je viens. Et bon, je suis un peu impressionné. J'ai vite fait inventer un truc là à l'instant. Donc voilà, je vais vous le dire. J'étais en train de le retravailler, mais bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Ça va le faire quand même. C'est pas grave. Qui suis-je? Un corps? Une idée? Un sentiment? Un rêve? Un cauchemar? La colère, la tristesse, la joie, l'amour, ou la rage ou la félicité? Ben, je ne sais pas. Parfois, je crois être l'un ou l'autre, mais à la fin, je suis peut-être un peu tout ça. Et voilà. Soyez sages, soyez fous. Et bon, c'était un peu à l'arrache parce que bon. Deux euros dans la boîte, Robin. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Et un punch. C'était un peu à l'arrache. Ça suffit. Je suis timide. Pour le punch. Et tu peux aller chercher ton verre de punch, voilà. Ah. Un verre de punch. Je serais pas venu pour rien. Ah, parce que s'il n'y avait pas de punch, tu serais venu pour rien, là. C'est ça que t'es en train de dire. La porte est toujours ouverte. Hein. Merci Robin pour cette première fois. C'est pas facile quand on n'a jamais fait. Donc voilà. Donc il faut surtout pas se dénigrer quand on vient de terminer, tu vois. Voilà. Il faut se laisser à soi le temps. Il faut se laisser à soi le temps d'atterrir. Voilà. En plus, c'était très beau ce que t'as dit. Soyez sages, soyez fous. Voilà, tu vois. Tu nous aurais quittés là-dessus, c'était merveilleux. Ouais. On réapplaudit bien fort, on réapplaudit bien fort. Je sais pas qui est le prochain, je sais pas si c'est sa première fois ou pas. Sébastien? Ah ben non, c'est pas sa première fois, mais il change de nom à chaque fois qu'il vient. On applaudit bien pour Sébastien, merci. Je vais essayer de rester stable dans mon effervescence émotive. Donc j'ai écrit sur le thème de l'amour, ça fait à peu près 4 à 5 ans que j'ai écrit ça. Du coup, j'ai tâché de l'apprendre par cœur pour éviter d'être devant mon téléphone. Ça me gênait un peu la dernière fois, du coup. Donc ça commence comme ça. Si la vie est amour, alors cet amour est forcément contenu dans le parfum de nos vies. Et de ce fait, il est évident pour moi que tu sois cette fleur qui porte en elle les différentes nuances et degrés aromatiques de ce divin parfum. Les mots, les pensées et les concepts des hommes sont comme ce voile en soie blanche qui, enivré de charme, viennent caresser chaudement le corps nu de cette femme. Il est vrai, lorsque l'atmosphère se retrouve glacée par le froid, porter quelques vêtements peut s'avérer être utile et agréable. Mais pour voir le monde entièrement nu, sans maquillage ni tenue, faites appel au vent. Lui saura souffler sur les voiles qui le recouvrent. Et peut-être qu'alors vos yeux s'ouvriront devant cette ultime beauté. Et c'est ainsi que seconde après seconde, l'accentuation de votre désir prendra forme sur les courbes de son âme. Soyez confiant. Ouvrez-vous à elle autant qu'elle s'ouvre à vous. Et même davantage si le cœur vous le dit. Touchez, explorez, contemplez, n'hésitez surtout pas. Sentez le parfum de sa férocité, goûtez le fruit de ses diables péchés. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, donnez-vous à elle comme un orage se donne à la terre. Et pour finir, écoutez battre son cœur sur les rythmes de votre sueur. Et peu importe ce qu'elle vous crie ou ce qu'elle vous chuchote, peu importe là où elle vous griffe ou ce qu'elle vous offre, aimez-la sans retenue. Aimez-la simplement parce que l'amour est là, précisément là, à cet instant. Sans limite, sans jugement, sans prétention, parce qu'il est là, aimez-la. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Sébastien. Suivez ses conseils. Suivons ses conseils, je vais m'inclure. Ah non, c'est pas sa première fois, il était là à la scène ouverte de Printemps au Port. Il nous avait fait un petit texte qu'il avait écrit presque à la minute avant de passer sur scène. Je vous demande d'accueillir bien chaleureusement Toutoun. Je m'appelle Antoine Pierre-Claude Borca, mais après 11h, vous pouvez m'appeler Clotilde. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous avez l'impression qu'il y a des silences un petit peu gênants, c'est pas parce que je vous laisse la parole et vous pouvez intervenir, c'est tout simplement parce que j'avais le choix entre apprendre mon texte par cœur ou fumer 3 clopes. Et... l'histoire de ma vie. Il était une fois, un jeune homme, honnête, rigolo, droit, d'une humilité, au physique jalousé pour des raisons évidentes, inexplicables par la science. Non mais ça va, c'est pour moi. En l'an 2013, ce chenapan ne buvait que du sirop de fraise, au raisin, au blé, au malt, au blond, au... le litrage pouvait monter jusqu'à 16. Dragué par Londres, métropole, à la météo indécise, il fait chaud et ça caille. L'ado décida d'harmoniser ses sirops d'une simple paille. L'enfant nous montait un flan et toutes ses salades. Néanmoins, il est de notoriété publique que l'utilisation d'une paille, c'est plus la même limonade. Voyez-vous, la paille décuple la curiosité du jeune voyou, ayant fraîchement vaincu sa réticence à la coriandre, filant comme une étoile au destin festif, fabuleux et flou. Il fut pris d'une... Il fut pris d'une vaillante envie de goûter une sucette à la viande. Bon, alors, je reviens un petit peu sur le filant comme une étoile au destin festif, fabuleux et flou. Alors ça, c'est de la grosse merde. Hein. Je l'ai gardé pour expliquer. Hein. Quand même, il faut arrêter hein, quand les gens font ça. Moi, je l'ai gardé exprès. Pour vous dire, ça c'est de la merde, ça veut rien dire, c'est juste là, on fait de la poésie, ouais c'est super. Regardez la sucette à la viande. Ça, c'est... De bons magasins de sucreries, il y en a moult dans Londres. De toutes tailles, couleurs, de formes, et les vendeurs sont nombreux. Et j'ai besoin de lunettes. Âgé de 25 hivers et 25 étés, ce jeune con n'avait pas trop ramassé. C'est pas moi. Aucune calorie, cachotterie, calomnie et sucrerie ne lui étaient facturées. Ce fut le cœur léger, armé d'un labello, que je découvris ce nouvel Haribo. Du coup, t'as droit à un verre de punch pour te rincer le gosier. Pardon, elle était facile. Elle était facile. Ça, c'est dur. Pardon. Je ne m'attendais pas à ce style de thème. Mais c'était très très, très drôle. Et pour les gens qui ont déjà visité Londres, il s'y passe énormément de choses inattendues. On s'y découvre. Hein. Et notre prochaine poétesse, qui va nous raconter aussi peut-être sa petite histoire, c'est Sylvie Leblanc. On l'encourage bien bien fort, c'est sa première fois. Oui, je suis contre, oui, je suis pour. Je le reçois, franchement. Oui, je suis contre toutes sortes d'agressions. Agression verbale, agression physique. Agression conjugale, violence envers un enfant, etc., etc. Car la liste est malheureusement longue. Quelques paroles de la chanson « Je suis pour » de Michel Sardou. Tu as tué l'enfant d'un amour, tu périras. Pensez-vous qu'un violeur, et il faut se rappeler que lors de viols d'enfants, ils sont souvent commis par des personnes très proches, de l'entourage. Pensez-vous que cette personne mérite de vivre alors qu'il a brisé la vie d'un innocent? Tu as tué l'enfant d'un amour. J'aurai ta peau, tu périras. Très fort, percutant aussi, très percutant. Merci, c'est lui. Et notre prochain slameur, déclameur, conteur, affolant, affriolant pour faire de la poésie inutile, c'est Florian. Bonsoir. Alors, moi j'ai écrit un très court poème il y a deux semaines quand j'étais en train de faire un petit road trip au Sénégal et on avait avec mes amis 6 heures de route et on est tombé en panne, du coup on était dégoûté au milieu de la pampa et en fait on a été super bien accueillis par les locaux pendant que le mécano était en train de réparer la voiture et c'était un super moment alors qu'au début on était dégoûté sous 40 degrés mais finalement voilà, ça m'avait inspiré sur ce moment là et j'en ai écrit un poème très court donc sérendipité sénégalaise. Odyssée périlleuse, contrôle de routine, fumée soudaine, annonceuse d'augure, voilà carrosse qui se casse la bibine, arrêt oblige ou c'est droit dans le mur. Mécano qui fait le yo-yo, maman qui joue avec enfant, radiateur qui dit à tout à l'heure, pas de bol, fesses posées au sol. Ça tchatche, ça passe du bon temps, finalement, quel sympathique moment, sérendipité quand tu nous tiens, merci pour ce moment opportun. Voilà. Merci. Merci Florian, tu as le droit de te servir un verre de punch. Ah là là, c'est le papier que je voulais pas tirer, puisque c'est moi. Ah, ah, ah, ah, c'est drôle. Qui c'est qu'elle... Alors, nous sommes plusieurs ce soir à lire les textes produits lors de l'atelier d'écriture de la semaine dernière. Qui ont été animés par le président. Voilà. Qui était un très bel atelier donc sur le thème du solstice, des traditions païennes qu'il y avait dans les Vosges et religieuses. Non, c'était très païen quand même, hein, mais très intéressant. C'était très documenté. Voilà, il faut venir aux ateliers d'écriture. On apprend aussi plein de choses sur la culture locale. Et donc voilà, c'était sur le thème du solstice, du soleil, etc. Et donc c'est le texte qui a résulté de cet atelier. Ciel en feu, folie de couches brûlantes, se déposant sur le toit de ces horizons chargés par les lumières célestes. Célébration de soleil. De festive et lumineuse naissance, de grâce, d'arrivée au monde, d'émergence d'une création arrivée à son point d'ancrage. Que la lumière soit, et la lumière fut, et elle reste. Ne se cachant qu'éphémèrement, elle reparaît à chaque aube, renouvelle chaque jour dans nos visions les habillages de ce monde, parure de milliards d'êtres et de couleurs, perçant dans nos iris et au bord de l'eau de mes larmes, émerveillée, persistance sur la rétine, inscription sur inscription au plus profond de mon âme, se répercute sur les stries au fond de ma boîte crânienne. Millième d'une pensée, extrait de mes méditations vagabondes. Les mouvements célestes, qui ne se contentent de répéter une danse circulaire, sans fin ou presque. Cette terre, tournante et tournoyante, derviche dispensée de pied, me faisant sans cesse entrer dans la transe. Tourne et m'entraîne, bien malgré, d'une obscure en clarté, d'une nuit vers un jour, qui, à solstice, chute en basculant de la montée vers sa pente. La nuit n'existe pas, disait-il. Elle n'est que notre ombre propre. Et ainsi disait-il vrai. Soleil ne change, centre de notre axe, mais notre vaisseau se meut, cachant de sa rondeur le céleste feu à l'autre moitié de ses enfants. Mais en ce jour si beau, il n'y a presque plus d'ombre, ténèbres sont au plus mince, se pouvant percer à jour, par la baignante lumière éclairante, éclaire l'antre de toute chose. Éclaire l'antre de toute chose. Il n'y a rien qui restera à toujours caché, puisque de toute bête, puisque de toute tête, cette superbe clarté, brillante comme l'or en feu, s'écoulera par le firmament dans toutes les cachettes, sous toutes les chairs, sous toutes les peaux, pourléchera les os, entrera dans la moelle, et alors rien ne restera que l'étoile qui guidera nos jours. Bravo. Oui, bravo Léa, tu peux aller te servir. Merci pour cette philosophie toujours céleste. Et du coup, on me dit qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5 papiers. Du coup, pas besoin de pause. Enfin, vous en pensez quoi? Ça va? Oui, oui. Alors, c'est au tour de Jérémy. Jérémy, let's go. On applaudit bien fort Jérémy qui va nous dire un morceau de musique. Je me cache un peu derrière la flûte parce que bah, c'est après Léa. C'est pas très simple, donc je n'ai pas les mots. Je m'excuse pour ceux qui ne me voient pas au fond. Beaucoup Jérémy, je trouve que c'était également très solaire. Voilà, je suis partie en voyage avec toi. Alors, ah ben, tu viens de me demander quelque chose et ça tombe bien parce que c'est à ton tour de passer sur scène, Amina. On applaudit bien fort Amina, s'il vous plaît. Bonsoir. J'ai cassé mon téléphone. téléphone n'est pas longtemps, du coup j'ai pas de texte, mais c'est dans ma tête. Amina, nous, a une petite voix toute douce, elle nous dit des choses très percutantes, toujours à chaque fois, avec une petite voix très douce, et je trouve que de ce contraste, c'est toujours très très... voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai envie qu'on la réapplaudisse, j'aime beaucoup l'audace. Merci. Tu fais penser à Piaf, apparemment. Et notre prochaine, je ne sais pas à qui appartient ce nom. C'est un 9 ou un G, j'en ai aucune idée. Gion, Guion, 9-ion. Ah, ok, d'accord. On l'applaudit bien fort, d'autant plus que je n'ai pas su lire son nom. Tu avais la flemme d'écrire toutes les lettres de ton prénom. Donc tu as décidé d'écrire un truc. J'ai pensé que c'était le nom d'un robot. Je me dis R2-D2, c'est son pote, tu vois. Alors du coup, moi j'ai pris un texte que j'avais fait vite fait la dernière fois qu'on avait fait notre atelier. Donc ça devait être en rime. avec un refrain. Donc, ouais. Tu penses pouvoir aller, tu n'as rien oublié, tu pensais planquer ton cœur dans son étroite caverne, dans un tourbillon quotidien qui rime avec terne. T'as beau tout faire pour garder les yeux fermés, ces yeux tu les as vus, ils t'ont clairement dépecé. Alors danse encore sur le fil de l'inconnu, danse autant que tu le peux, dans ton âme on a bu. Un émoi fugace qui te remet à ta place, un face-à-face qui te sauve de la casse. Cette soumission, une fuite éperdue de la souffrance quotidienne, étrange plongeon, les doigts enlaçant la gorge, faisant vibrer les veines. Abandonne ce contrôle qui à chaque instant te rassure, te protège chaque jour, mais chaque jour te torture. Laisse s'envoler ton corps, là où guide ton âme et épuise la passion, là où pourrissent les drames. Un émoi fugace qui te remet à ta place, un face-à-face qui te sauve de la casse. Cette soumission, une fuite éperdue de la souffrance quotidienne, étrange plongeon, les doigts enlaçant la gorge, faisant vibrer les veines. Ton oxygène réel, il naît la trachée enserrée, ton cœur se libère dans les cris étouffés. Entravé, tu es libre, tu libères ta tête, tu peux enfin vivre pour vraiment être honnête. Merci Guillaume. J'étais sûr que t'allais galérer. C'était fait exprès. C'était un défi pour moi. Bon, ben voilà. Ben, maintenant je sais déchiffrer tes G et tes 9. Merci. Pardon. Et ensuite nous avons Steven Petitcœur. Steven Petitcœur. On applaudit bien avant Steven Petitcœur. Ouais. J'ai mis un petit cœur, mais c'est pas mon surnom, petit cœur. Je lis toutes les lettres qui sont écrites sur les papiers. Hein. Mais c'est une effigie, c'est pas une lettre. Ah, d'accord, ok. On va décrocher ça, hein. C'est nul, ça. Ouais, c'est... Bonsoir. Comment vous allez? Super. Pas tout le monde, apparemment. C'est plus que là, près du bar, ça va beaucoup mieux que là. J'ai l'impression, quand même. La gorge sèche. Dépassez-vous, monsieur. Fatigant. Donc je n'ai rien écrit, je n'ai pas de texte, je n'ai pas de chanson, je n'ai aucun poème à vous proposer. Ça me fait un peu plaisir quand même de voir des personnes qui sont aussi attentives pour d'autres qui disent des nullités avec ce micro. Il n'y aura pas de flûte, il n'y aura pas de pute, pute, pute. Il n'y aura pas de céleste soleil. Il n'y aura rien de ça. Simplement, ouais, un peu de confidence, ça fait du bien. J'ai vraiment l'impression d'être un petit peu aux Alcooliques Anonymes, au fond d'une cave. Bonjour, bienvenue Céleste, bienvenue Martin, bienvenue Claude. Moi c'est Steven et je suis réellement alcoolique. Depuis, je dirais 4 ans, à peu près. Il ne s'est rien passé dans ma vie pour que j'en sois arrivé à là. Simplement... Comme la chanteuse d'avant a dit, c'est une vie routinière où c'est qu'on s'emmerde facilement et qu'on essaye de changer les choses avec des substances. Moi, c'était l'alcool. Et je tenais vraiment à vous en parler parce que vous êtes des personnes qui, j'ai l'impression, vous êtes à l'écoute. Et dans tous les cas, j'aurai des applaudissements à la fin, donc c'est très bien. Donc j'essaie de m'en sortir, mais je mens énormément. Je mens aux personnes que j'aime, je me mens à moi-même. Je viens récemment d'être papa, il a 7 mois. Pas d'applaudissements, on attend la fin. Merci. On attend la fin. Et je m'étais toujours dit, parce que j'avais des amis qui amenaient carrément leur enfant au bar, je me dis, je ne veux pas être ce papa canette. Et j'ai l'impression de le devenir, alors que je ne le veux pas. Quand j'ai trop bu, je suis triste et je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que j'en suis là alors qu'il y a la beauté qui m'attend chez moi. Il y a la vie qui m'attend chez moi. Mais non, je fais de la merde. Je ne sais pas pourquoi. C'est une question vraiment que je vous pose. Vous me répondrez plus tard. Mettez des petits papiers, comme ça la soirée continue. Vous me répondrez. Non, je tenais vraiment à être franc avec vous en mode... la vie, c'est quelque chose de fort. J'ai 30 ans, je vois des personnes de 60 ans qui font du vélo, pas électrique, du vrai vélo, avec des costumes à la con, on voit leurs couilles, ils courent. Bon, ça, faut arrêter, faut leur expliquer, mais on on le fera autrement. Moi, j'ai 30 ans, j'ai... je fais du sport et je crache. J'ai du mal. Au bout de 20 minutes, je suis sur le côté, genre, fume une clope pour reprendre un petit peu d'oxygène. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais je suis suivi, j'essaie de m'en sortir, mais comme je vous dis, je mens. Je vais loin dans mes mensonges. Je me suis fait griller d'ailleurs hier. C'était la soirée, c'était la fête de la musique. Et j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans mon coffre, j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans mon portefeuille. Ma copine m'appelle, elle me dit « t'as rien à me dire ». Donc à chaque fois je lui dis « je t'aime ». Ok, on essaye. Elle me dit « non, c'est pas ça ». Elle me dit « t'avais soi-disant pas fait les courses pour aujourd'hui ». Et je fais « bah non, j'ai pas fait les courses pour aujourd'hui, j'avais fait les courses pour aujourd'hui ». Donc du coup j'avais des bières un petit peu en supplément. Elle me dit, donc du coup, là, tu regarderas dans ton sac les bières chaudes que tu as mis dans ton coffre. Je te les ai mises, hein, comme ça, tu bois que de la bière chaude, et je t'ai enlevé tout ton fric, il te reste 5 euros pour ta soirée. D'accord. Sauf que je ne veux pas lui en vouloir. C'est qu'elle veut, ça fait 11 ans que je suis avec cette personne. Je ne veux pas lui en vouloir, elle veut me sauver, elle veut qu'on se sauve, et puis elle veut surtout sauver le groupe qu'on forme, Marius, Nabila et moi. Je ne veux pas en vouloir à cette personne essayer de me sauver. Et donc, du coup, je vais essayer vraiment de tout faire pour nous sauver. Je vous remercie de m'avoir écouté. On t'aime. Donc du coup, je t'amène ma canette au fond. Je vais dire, du coup, t'as droit à un café. Non, mais non, je sais. Il faut que ça vienne de soi. Merci pour ce témoignage. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Super. Eh ben, ravi d'avoir été les oreilles de cette histoire. Voilà. Merci, Steven. Et courage à toi. Ouais. Vraiment, courage à toi. Ça va aller. Ça, c'est pas facile. Courage à toi. Voilà. Merci. Et j'ai envie de faire une blague, en même temps j'ai pas envie d'en faire une. Donc, non, donc je vais juste... T'es pieds nus, tu peux. Ah, c'est vrai. Donc je vais juste dire ce nom de façon très langoureuse, peut-être. Mais je crois qu'elle sait que ça va être son tour, parce que c'est la seule personne qui n'est pas encore passée. Veux-tu bien nous dire quelques mots, ma chère Mathilde. Wow. C'est quoi cet enfant? J'ai dit que je voulais faire une blague et puis que ouais, c'était quoi cette blague? J'avais envie de faire une blague et en même temps pas envie d'en faire une. Bah du coup j'ai pas cherché. Tu vois, je me dis j'aimerais faire une blague, mais en même temps non. Ouais, on a eu un beau témoignage. J'en ai une l'air. Je dois appeler mon acolyte. Je sais pas toi, mais je sais pas si je. J'en ai une de blague. On fera la session blague pendant la pause. Ouais. Ou avant, ou je sais pas si on fait. Oui. Alors, ce sera pas long. Désolée pour le faux espoir. C'est plein d'espoir. Allons-y. Alors, ce soir, je prends le micro pour vous dire quelque chose d'important, très important. C'est une chose évidente, mais qu'on a tendance à oublier. Alors, entrons à vif dans le sujet. Il n'y a pas de secret, il n'y a qu'une vérité. Simple, sobre, crue. Nous allons tous mourir. Alors, debout, le temps nous est compté. Faut jamais l'oublier. Jamais. Et sachant cela, soyez vous-même, par pitié, pas le temps de vivre la vie d'un autre pour faire plaisir à qui ou à quoi. Profitons de la vie, enfin du temps qu'il nous reste à vivre en fait. Ne nous torturons pas l'esprit en cherchant un sens à tout ça. Il n'y a pas de sens, alors vivez putain. Ne vous prenez jamais au sérieux. Quand on a éprouvé la finitude de la vie, comme vous peut-être, alors oui, on peut comprendre pleinement ce que j'ai à vous dire. Les gens n'aiment pas l'immobilité. Il faut du mouvement tout le temps, même si ça ne remue parfois que du vent. L'immobilité, ça fait penser à la mort. Mais la mort est là. Nous ne sommes pas éternels depuis notre naissance. Alors faites des choses importantes. Ne courez pas sans but toute la journée en remettant au lendemain ce qui mérite votre temps. Il n'y a que 24 heures. Veillez chaque jour à bien les employer. Il n'y a pas de concession avec la vie. C'est pas possible. On n'en a qu'une. Je sais que ça peut sonner comme des paroles éculées, que ça semble être un manuel, voire un prêche, ou que ça vous rappelle peut-être un trop usé carpe diem. Mais ne vous croyez pas plus malin que les mots que j'ai à vous dire. La vie pourrait bien vous surprendre en plein envol. Car comme les feuilles à l'automne tombent, le corps chaque jour s'affaiblit et demain pourrait bien être la fin. La fin de tout votre univers. Alors, dépensez votre argent, arrêtez d'avoir peur, nous allons tous au même endroit. Et aussi, très important, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, pour ne rien regretter quand le moment sera venu pour eux. Nous n'avons pas le temps de déprimer, de se dire qu'on fera mieux après. La nostalgie est une pute et le temps nous est compté. Voilà. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas de vivre. N'oubliez pas que vous êtes mortel. Je vous souhaite une belle soirée et une belle vie. Merci beaucoup Mathilde. Merci pour ce rappel qui, à mon avis, nous parle à tous. On est tous dans le même bateau. Merci bien. Nous n'avons plus de petits noms dans le show à peau. Nous allons donc éventuellement faire une petite pause. Je ne sais pas quelle heure il est. Félicie. 22h. Okay. Ah, moins 10. On a encore le temps. Oui. Oh, bah, allez, on a la petite blague de Félicie et après nous allons sonder le public. Voilà. Je suis un peu désolée de passer après Mathilde parce que il faut pas que je vous dérive sur l'idée qu'elle avait parce que ça devait être la conclusion. Mais je peux pas m'empêcher de vous la dire parce que. C'est vrai que dans les ateliers, des fois, on fait de la des métonymies, des petites figures de style. Et l'autre jour, j'appelle Secundino. Et voilà, je lui demande comment il a passé sa journée, si ça a été et tout. Et je lui demande, qu'est-ce que tu as mangé ? Il me répond, alors là, j'ai fait une métonymie, mais sans m'en rendre compte. Il me répond, j'ai mangé une boîte de conserve. Tu dis, ça va, elle était bonne ta boîte de conserve en fer ou en métal Alors voilà, c'est dans les ateliers, c'est qu'une petite blague, mais dans les ateliers, il faut venir parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes. On fait des ateliers riches, hein, tous ceux qui participent, c'est vrai qu'on s'éclate, on fait surgir plein de choses de nous-mêmes. Et je pense que Léa, tous ceux qui organisent, vous invitent à nous rejoindre parce que c'est vraiment des super ateliers, voilà. Salut. Et je voulais les remercier ce soir de nous. Du bonheur. Comment? Les ateliers. cultive le bonheur. On cultive aussi le bonheur, oui. Voilà, ben, je voudrais dire merci, c'est vrai, à Vincent, à Léa, à tous ceux qui s'occupent de faire des ateliers. Moi, je n'en fais pas, mais Florian, Mathilde, etc. Voilà, je voulais vous remercier tous. Voilà. Et nous sommes immortels. Je fais des ateliers d'écriture avec tout le monde aussi, j'essaie d'en faire au cours de ma vie et tout ça, mais là j'ai une histoire et puis on finit, d'accord? Alors voilà, c'est l'histoire d'un loup en fait, il vient de sympathiser avec un petit oiseau sur la branche et lui dit, le petit oiseau, il dit au loup, ben ça serait sympa si t'arrêtes de manger les oiseaux, comme ça tu deviendrais plus gentil. Et dit, ouais, c'est vraiment bien d'être gentil. Bon, je vais essayer d'arrêter de manger les oiseaux. L'oiseau, fou de joie, tombe de sa branche et atterrit dans une petite flaque de, vous savez, cette gros tas de merde, en fait. Il tombe dans la mer, l'oiseau. Oh, alors là, le loup se précipite vers l'oiseau, le tire de ses embarras, et le secoue, et qu'est-ce qu'il en fait? Il le dévore. Et là, la morale de l'histoire, c'est le loup qui l'avait, il dit « Oh, moi, on m'a toujours dit de sortir les amis du besoin. » Merci, Christophe. C'était gentil, hein. Oui. Merci Félicie pour ta petite métonymie et pour ce mot gentil à propos des ateliers et puis des scènes ouvertes et de l'équipe et tout ça. Nous, on vous remercie toujours de venir, hein, c'est toujours très sympathique. Vous pouvez effectivement venir les jeudis soirs aux ateliers d'écriture. Petite précision, parce qu'on s'est rendu compte de ça, je vais avoir confirmation du président et du reste de l'équipe peut-être. Jeudi prochain, c'est le dernier. Ah oui, de l'année. Voilà. Jeudi prochain, c'est le dernier de la saison. Nous recommencerons en septembre. Mais voilà, juillet-août, on fait un petit break parce qu'on va être tous un peu à droite à gauche ou pris par d'autres projets, donc on n'aura pas trop le temps de faire ni d'atelier ni d'organiser les scènes ouvertes. Mais donc voilà, le prochain et dernier atelier sera donc jeudi prochain, jeudi 29. Et donc voilà, donc vous pouvez venir, même si vous n'êtes jamais venu, vous êtes les bienvenus au dernier. Hein, parfois on dit toujours, dans une pièce de théâtre, ce qui est intéressant, c'est de voir la première et aussi de voir la dernière. Et bien peut-être que ce qui est bien, c'est de venir faire le dernier atelier d'écriture. Donc jeudi 29, qui aura lieu ici même de 19h30 à 22h a priori. Parce qu'on a tendance à décaler, on... Comme on écrit bien et qu'on aime bien écrire, parfois on finit plus tard, voilà. Comme ce soir. Et nous ferons aussi un petit atelier d'écriture et une petite scène ouverte au festival là-haut sur la colline, qui aura lieu le week-end du 9 juillet à l'espace court. Et donc on sera là-bas le samedi après-midi, on sera sous un des chapiteaux dans le village associatif et on animera un petit atelier d'écriture et une petite scène ouverte là-bas. Donc vous êtes les bienvenus, tout ce qui se passe sur le village associatif est en accès libre, donc vous pouvez venir, partir, revenir plus tard avec grand plaisir. Voilà. Et sinon pour ce soir, petite question qui se pose, c'est... est-ce que vous voulez encore en entendre un petit peu? Oui. Ouais. Alors, on va faire une petite pause d'une vingtaine de minutes. Oh. Le temps d'aller prendre l'air, de boire un verre, etc., de discuter un peu. Et aussi de laisser le temps aux gens qui avaient déclamé quelque chose en première partie, qui veulent nous redire un texte ou une chanson ou autre, d'en mettre leur nom dans le chapeau. Et à ceux qui n'ont peut-être pas osé en première partie, mais qui ont été inspirés, s'ils veulent, après la pause, nous dire un petit texte, vous êtes les bienvenus également. Voilà, une petite pause et on se retrouve dans 20 minutes. À tout à l'heure. Merci. Je vais tomber. Ah oui, mais... suis nommé, tu remets. Mon intervention est assez très louable, mais bon, j'ai essayé. Et si éventuellement il y en a qui partent, en tout cas merci, merci de votre présence et merci à ceux qui ont partagé les textes avec nous. Rebonsoir messieurs, dames, bienvenue. Oui, les petits papiers sont là. Nous sommes ravis que vous soyez restés parmi nous pour entendre la suite. J'espère que certains d'entre vous ont maintenant placé leur nom dans le chapeau, alors qu'ils ne l'avaient peut-être pas fait auparavant. J'en regarde certaines. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée. Et je vous présente ma nouvelle co-animatrice. Elle change de place, je la vois plus. Voilà, Yola, que vous avez peut-être pour certains déjà vu ici parce qu'elle elle vient à nos ateliers d'écriture, elle vient à nos scènes ouvertes, voilà. Et aujourd'hui, elle est animée ce soir à venir avec nous. Est-ce que tout le monde est bien installé? Tout le monde a pris un petit verre de jus de fruits, de tisane, de bière, de vin et de bonheur, bien entendu. Prenons un grand verre de bonheur. Et nous allons donc démarrer cette deuxième partie de soirée. Nous allons commencer cette deuxième partie de soirée par qui est le premier ou la première. C'est Flo avec 3 W. Flo avec 3 W. Ah, il est parti dans l'arrière-salle, c'est un mauvais signe. Il est venu nous dire qu'il s'en va. D'entrée, d'attaque, c'est toi qui attaques. Il faut être prêt à toute éventualité. Ah. Le micro. Alors, je vais faire un test, vous me dites si vous m'entendez, si j'ai besoin de micro ou pas. Oui, micro. Micro. Micro, oui. Micro. Ah oui, quand même. Pour la guimbarde. Alors, j'ai changé de guimbarde par rapport à la dernière fois. Ah. Celle-là, c'est une qui est du style Rajasthan, du coup, en Inde. Do Prochaine musicien, musicienne, bon, chanteuse, chanteur, c'est chouette, slameur, qui c'est super, franchement. C'est notre chère Léa. Toujours bizarre de tirer son propre nom dans le chapeau, c'est très déroutant. Mais c'est bien, au moins il y a quelqu'un d'autre qui l'a lu à ma place. En tout cas, merci Flo pour cette guimbarde. Je découvre l'éventail de sons qui sont faisables, c'était super cool. Tu as rattrapé la fête de la musique d'hier qui était très bruyante. Voilà, là j'ai bien dit. Merci. Très bruyante. Cette la musique est très bruyante. Honnêtement, c'était pas épineux, je t'assure, c'était super bruyant, quoi. Ça dépend. Ça fait plaisir. Ça dépend où on était. Il y a une partie de la ville où c'était. Waouh. J'étais contente d'être allée à la chorale de Saulsure sur Moselotte avant, hein, franchement. alors, je vais vous lire un petit texte tout simple. Mais ce qui est assez marrant, je me rends compte qu'en fait, plus on écrit, plus on a envie d'écrire et plus on a des trucs qui nous viennent spontanément. Et ça, c'est un texte que j'ai écrit en attendant ma commande au kebab. Super contexte. Bah, tu vois, c'est ça. Riez de bon cœur. Mais ouais, voilà, j'attendais ma commande et en fait, je suis sortie dehors fumer une clope. Pas beaucoup, mais j'ai eu envie de fumer une clope. Et il y avait un platane juste sur le trottoir en face du kebab. Et voilà, et puis mes yeux se perdant dans la contemplation, voilà, j'ai écrit ce texte. À l'ombre des platanes se cache une autre saison. Il faut lever les yeux quand on s'approche du tronc. Le dessous du vert de ses feuilles se pare d'une autre couleur. Un blanc irisé, un ton givré, me rappelant que chaque chose peut en cacher une autre, qu'à l'ombre de l'été, le temps n'est jamais arrêté. Tout passe. Mais paisiblement, il attend. Jamais ne se presse. Et que par pluies et vents, se dépouillera d'une caresse de ses parures estivales. Tomberont alors dans une ronde dansante chacune de ses petites ailes vertes. Et disant de manière évidente qu'elles n'ont rien d'éternel, mais que vie renaîtra et qu'hiver aussi passera, alors gardons l'espérance. Wow. Merci Léa. Je pense qu'on a vraiment tous besoin de garder l'espérance en ce moment en plus, donc c'est très beau. Alors, la prochaine poétesse ou le prochain poète sera Toff qui est Toff. Christophe. Bon, on l'applaudit. Alors, peut-être va falloir s'accrocher en cette heure tardive, car le titre est le suivant, je suis né mort-vivant. Je suis né mort-vivant, mort-né, mort subite, mort dans une bière, avec une tête et une poignée dedans, mort d'élan, de sourire et de vie, de cirage, de singe et de rire, le devenir à couvert pour rebondir. Saute, saute, lémurien, ouistiti et chimpanzé, même sur ma tête, bipède acoustique, car les singes sont très affectueux. Surtout, ils ressentent les degrés d'émotion et le langage de l'amour. Une nuit, mort-vivant, mort-né, morbide, mort subite, pas avant. Mort comme une bière avec une tête, de la mousse en tête comme une bête, l'état de la garde au sort d'une cervèse, d'une cervoise, arrondie, pièce ou hexagonale. Constantin est roi, ravi, pas de mort ici, les sépultures ont 6000 ans. Mais les Celtes ont dédié leur aux dieux, comme si la lumière avait décidé des vieux. Reconstituons un corps astral, en corps matière, même pour deux corps. Imaginez, vous voyagez astral, vous vous rendez compte que vous êtes lumière, et vous retraduisez un nouveau corps sur une autre planète. Oui. N'est-ce pas merveilleux ? Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, en fait. Eh bien, j'entends par là que la lumière qui vous évolue dans l'arrondissement du tout... Attendez. J'entends par là la lumière qui évolue dans l'arrondissement du tout. Bon, là, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire. Hein. Mais permet de retrouver un corps quand c'est valable pour un, c'est valable pour tous. Ainsi va la solidarité aussi. Merci à vous, on n'est pas prêt d'être mort. Vive le corps astral. Bah, merci Christophe pour ta lumière venue d'une autre planète. Ah bah oui. Maintenant, on va accueillir Aurélie, qui est une poétesse. Juste, quoi, suite. Suite d'Aurélie, une petite poétesse. On peut l'applaudir. Suite, parce que suite de tout à l'heure... Tu entends la sonnerie du téléphone d'un gros cadran. Les vitamines sont dans la tente. Tu te déplaces dans l'espace réduit d'un couloir vocalisateur et tu retiens ton souffle sans savoir pourquoi. Il fait trop de lumière pour la tête. L'œil tourne, tu penses à demain. Demain un autre jour où tout ira mieux, c'est certain. Et puis tu penses à l'amour et ton cœur en tombe, te quitte, succombe. Les espaces verts font le désert de l'atmosphère. C'est l'hiver. Tout se dépouiller feinte la mort. Tu récupères amèrement la matière qui constitue ton cœur et tu lui en veux de fuir ainsi. Tu crains parfois qu'il t'aime bien moins qu'hier parce qu'il pense à la tombe auprès de toi qui lutte. Le cœur espère tant la chute de ton corps mal en point. Regarde le feu qui s'oxygène. Il est la femme que tu soutiens. Regarde-le et elle fera le reste. Dans ton sommeil, tu touches ton cœur avec ta main et tu souris. Tu sais que tu te mens. Chaque nuit, tu touches son cœur avec ton corps. Tu souris. Tu sais qu'il te tourne le dos. S'il n'y avait pas eu cette menace de lui entrer en toi, tu ne saignerais déjà plus. Sur tes jambes, le sang de tes erreurs et la chaleur de ta rupture ne serait plus. Tu es épuisé de regarder les autres avalés par la pluie. Tu laves tout ce qui reste de lui. Tu te couches désespéré de l'avoir forcé à t'aimer. Dans le sommeil, c'est épouvantable comme la haine aime à se réveiller. Mais enlace ton feu et cherche la femme. Merci Aurélie. Je pense qu'on a tous hâte de lire ton recueil, ton ouvrage qui va sortir. T'as une date ou pas? Non. Ok. Déjà, je le termine. Non, merci. Je me permets de te prendre le micro parce que j'avais déjà tiré un nom du chapeau et c'est le tien. Donc, comme je sais que ça fait bizarre de tirer son propre nom et d'appeler son propre nom. Donc voilà, donc, messieurs, dames, Yola! Non, c'est la période astrale du 8 décembre 2022. En même temps qu'il n'y devrait pas de sang. Ça peut être très drôle. Papa, maman, je ne vous remercie pas. Alors, c'est un texte qu'on a écrit durant un atelier d'écriture que Léa a mené. Donc il fallait qu'on essaie d'écrire un slam avec donc des couplets et des refrains, enfin un refrain et des couplets. Et il n'est pas tellement adapté parce que du coup il pleut, mais le titre c'est L'eau d'or. Voilà, et donc je l'ai mis en musique. Sécheresse des sols, la pluie ne tombe plus. Les travailleuses de la terre ne peuvent plus creuser. Les plantes assoiffées ne peuvent plus germer. L'eau, l'eau d'or au fond du puits, dessine un langage sur les pierres érodées, ondées du désert qui ondule sous nos yeux, ossements pourrissants des océans ici bas. Du désert, disparu de l'autre vie, dans l'écume de l'air, la pluie ne tombe plus, disparu dans les entrailles de la terre. Pour une goutte de pluie, il rompt sa vie en deux, pourritures ondulantes, déchéances cadavreuses. Les pluies ne donnent plus qu'une eau pesticidée, la terre privatisée et les nappes vidées. Parée d'un bien commun par des politiciens, l'eau nous échappe des mains, où puis-je m'abreuver? Avait promis sa fille au meilleur artisan de toute la Grèce antique. Mais savait-il qu'un jour il donnerait sa fille à une goutte de pluie? Dans ce désert aride où gissent les naïdes, voyez-vous les ossements des enfants du nouveau monde attirés par des mirages? Ils ont suivi des spectres comme Électre et ont péri en route. Dansons, dansons. Merci. Elle a l'air de ton prénom parce que je ne le connais pas. Yola. Merci Yola. T'étais parti avant de nous le lire, et ben je suis ravie qu'on ait attendu pour l'entendre chanter avec la musique. Voilà, c'était très très beau. La prochaine poétesse ou chanteuse, c'est Lilith. Ah mais Lilith est... Ah mais non, Lilith est là. Excuse-moi. C'est pas que je te crois partie, c'est que je confonds ton nom de scène avec Libellule, qui est Sébastien, qui aujourd'hui il est parti. Lui. C'est pour ça que je suis là. Okay. Pardon, je te laisse la place. Alors, je vais vous dire un texte. Après, au départ, c'est une chanson. Mais bon, comme j'ai pas mon musicien, je vais vous le dire. Ça s'appelle L'écho. La tête sous l'oreiller dans ton plumard, bien à l'abri, soustrait loin des regards. Derrière les murs et les remparts, entends-tu l'écho de ces mots qui résonnent? Entends-tu l'écho de ces mots qui résonnent? Des lobes à l'affût planqués derrière ta fenêtre, tu juges les autres sans honte et sans même te connaître. Tu déambules dans ton réseau comme dans ta tête. Vas-y, sors de chez toi, enfile tes baskets. Mais entends-tu l'écho de ces mots qui résonnent? L'écho de ces mots qui résonnent. Va voir dehors si le décor existe encore. Des icônes inconnues dans son milieu décor. Goûte la joie amère de ce monde ici-bas. Fixe l'horizon loin, vers d'autres climats. Allez, va, reprends, ressaisis-toi. Amorce donc un pas. Regarde autour de toi, la vie est un calembour, va, reprends, ressaisis-toi, la vie qui cogne en toi, sens-tu son cœur qui est bas, tu es devenu sourd, mais entends-tu l'écho de ta vie qui déconne. Bravo. Merci Lilith. Des très beaux textes. Mais on espère l'entendre en musique la prochaine fois. Allô le bar, reste-t-il du punch? Oui. Ah, donc les gens qui sont repassés sur scène ont redroit un verre de punch. Venez avec toi. Et du coup, Et bien, notre prochain poncheur, chanteur, c'est Monsieur Vorgi. C'est une offrande en fraude, un cadeau clandestin. Ces mots qu'on maraude pour en faire un festin. J'ai besoin d'entendre la vie se répandre aux instants fragiles. Pour ne pas dormir, pour ne pas mourir en terre d'exil. Besoin que m'enivre quelques mots de prière, la beauté du givre qui vient farder l'hiver, la flamme au regard de l'enfant qui s'allume quand les mots fanfares s'envolent de sa plume. Besoin de prendre pour mieux le comprendre l'indomptable temps, pour dans l'avenir savoir contenir chacun des instants. Instant de la route déroulante à loisir, certitude doute et désordre et désir, instants irréels vite effacé quand les plus cruels tardent à passer. J'ai besoin de croire qu'il est dans le noir bien d'autres soleils, que tout l'or qui dort est peut-être au bord d'un prochain réveil. Besoin d'imaginer que demain nous amène un monde dessiné d'une main plus humaine. Besoin de l'espoir pour avancer toujours, surtout quand l'histoire voile un peu le jour. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de larmes, j'ai besoin de vent. J'ai besoin de frémir d'émotions, de charme pour être vivant. Prochaine intervention est un duo, Ben et Liam, s'il vous plaît. C'est vrai ? Mais pourquoi ? Vous faites un duo de quoi, normalement ? Rire et chanson ? D'accord. Ben et Liam, on vient là ou... D'accord. Donc qui est la personne qui a mis votre nom? Ah d'accord. Bon bah celui qui a écrit vient sur scène alors. D'accord. Bon bah on passe. Vous êtes sûr hein? Vous savez quoi? Et je garde votre papier de côté au cas où. Au cas où oui. Au cas où s'il y a un élan de motivation tout à l'heure. Faut pas avoir peur, hein, mais... Enfin, quoique si, j'ai pas trop mangé aujourd'hui, je vais peut-être mordre. Ah ah, un deuxième ah ah. Est-elle prête? Je ne vais pas dire ton nom tout de suite, je te laisse une fraction de seconde pour sortir ton texte. L'as-tu préparé? L'as-tu dans les mains? Puisque Martine, c'est à toi de venir nous lire un texte. Ah. On applaudit Martine. Ah, elle n'avait pas deviné que c'était elle. Elle n'avait pas encore sorti son texte. Elle avait deviné. Ah, elle avait deviné. Elle avait deviné. Je prends une chaise, parce que je suis un petit peu âgée. Je vais aller. Ouais, ça va aller. C'est juste que je... Voilà. quatrième jour à m'apporter. Et je vais vous dire. Écoutez, je vous remercie de m'y rendre, ça fait très plaisir. Alors, je suis tombée par hasard sur les textes de Romain Gary. Alors, est-ce que ça parle? Est-ce que ça vous parle? Alors, Romain Gary, il faut savoir que il a écrit des livres. Hein, c'était un ami d'Albert Camus, donc vous voyez un petit peu le genre. Donc là, je vais vous lire un petit extrait de La promesse de l'aube. Alors, il faut savoir qu'il avait un amour inconditionnel pour sa maman. Hein? Donc voilà, j'espère pas faire trop long. Alors c'est une autobiographie. Hein? C'est quand tu connais Léa. Oui, tu connais. Donc c'est quand il rentre de la guerre. Voilà. Donc je résume. Gary est pilote d'avion dans les forces françaises libres. Armée de résistance fondée par le général de Gaulle. Alors, en mission en Libye, il contracte une forme très grave de fièvre. Il est mourant. Alors, mais j'étais mauvais joueur. Hein, je refusais de me reconnaître vaincu. Je ne m'appartenais pas. Il me fallait tenir ma promesse, revenir à la maison, couvert de gloire après 100 combats victorieux. Écrire « Guerre et paix », devenir ambassadeur de France, bref, permettre au talent de ma mère de se manifester. La guerre terminée, le narrateur rentre à Nice. J'avais fait prévenir ma mère de mon retour par 10 messages différents qui avaient dû converger sur elle de tous côtés quelques heures à peine après l'entrée à Nice des troupes alliées. Le ruban vert et noir de la libération, bien en évidence sur ma poitrine, au-dessus de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre et de 5 ou 6 autres médailles dont je n'avais oublié aucune. Les galons du capitaine sur les épaules de mon battle dress noir, la casquette sur l'œil, l'air plus dur que jamais à cause de la paralysie faciale, mon roman en français et en anglais dans la musette. Bourré de coups de coupures de presse et dans ma poche la lettre qui m'ouvrait les rangs de la carrière, après juste ce qu'il fallait de plomb dans le corps pour faire le poids. Ivre d'espoir, de jeunesse, de certitude et de Méditerranée, je revenais à la maison après avoir démontré l'honorabilité du monde après avoir donné une forme et un sens au destin d'un être aimé. Les GI noirs assis sur des pierres avec des sourires si grands et si étincelants qu'ils eussent paraissé éclairés de l'intérieur, comme si la lumière leur venait du cœur, levaient les mitraillettes en l'air à notre passage et leur rire amical avec toute la joie et le bonheur des promesses tenues. Victory, je devais interrompre ici ce récit. Je n'écris pas pour jeter une ombre plus grande sur la terre. Il m'en coûte de continuer et je vais le faire le plus rapidement possible en ajoutant vite ces quelques mots pour que tout soit fini et pour que je puisse laisser retomber ma tête sur le sable. Au bord de l'océan, dans la solitude du Big Sur, où j'ai essayé en vain de fuir la promesse de finir ce roman. Ça se termine, hein, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je trouve qu'il est très beau, vous allez voir la fin. À l'hôtel pension Mermont, où je fis arrêter la Jeep, il n'y avait personne pour m'accueillir. On avait vaguement entendu parler de ma mère, mais on ne la connaissait pas. Mes amis étaient dispersés. Il me fallut plusieurs heures pour connaître la vérité. Ma mère était morte 3 ans et demi auparavant, quelques mois après mon départ pour l'Angleterre. Mais elle savait bien que je ne pouvais pas tenir debout sans me sentir soutenue par elle, et elle avait pris ses précautions. Au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle avait écrit près de 250 lettres qu'elle avait fait parvenir à son ami en Suisse, je ne devais pas savoir. Je continuais donc à recevoir de ma mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer, alors qu'elle était morte depuis 3 ans. Le cordon ombilical avait continué à fonctionner. Voilà, merci pour votre écoute. Je n'écris encore pas mes textes, mais je pense que Léa est suffisamment judicieuse pour... Je vais fumer une cigarette et voilà, je te fais un bisou quand même. Léa. C'est où la tortille ? De rien, Martine. Et en fait, je t'encourage, comme je te l'ai déjà dit, un jour à venir nous partager tes propres textes. Mais effectivement, c'est super intéressant parce qu'à chaque fois, je te découvre aussi à travers tes choix des auteurs que tu nous partages ici. Et voilà. Et ça me touche beaucoup que tu aies choisi. Enfin, c'est très intéressant. La promesse de l'aube, c'est ça me rappelle des souvenirs avec des élèves que j'ai eus quand j'étais prof remplaçante. J'avais une classe très difficile de 3e. Et quand je leur choisissais des extraits de ce livre-là, j'avais un silence. Je sentais qu'ils étaient très touchés par cette histoire-là. Et donc, ça marque beaucoup que tu aies choisi un extrait de La Promesse de l'Aube. Voilà. C'est un petit clin d'œil. Donc, merci pour ce choix. Et notre prochain poète-chanteur, ce qu'il voudra, est Steven. Il est parti fumer. Ah, il est parti fumer. Okay. On en prend un autre, on le rappellera après. Hop. Alors, dans ce cas-là, on peut accueillir Segundino. Segundino ! Allez ! Où es-tu ? Il est là-bas ! Ah, bah il est revenu. Ah ! C'est un texte court, comme d'habitude. Bon à rien et vaut rien, c'est comme l'atout de Pise, ça ne sert à rien. Le ballon rond dans le bol est comme un couscous absolument bien digéré. Sport. Pour vaincre au classement, il faut courir très vite et pour gagner, il faut exploser. Ensuite, Loki arrive, met le feu à la fontaine des comptes. Poule violet, quelle naissance de la situation. E.T. arrive avec plein d'étoiles dans les yeux, le ciel bleu, amour, joie, bonheur dans son cœur. Voilà. Merci Oulilo, tes textes sont toujours très percutants, très jolis. Alors, donc... Ah bah on peut peut-être accueillir Steven du coup s'il revient. Merci, merci. On vient m'asseoir. Vous êtes bien silencieux. Comme d'hab. Ça change. Ça change. Je tenais à vous dire que j'étais alcoolique. Non. Non, je trouve ça un peu spécial, ce qui se passe ici. C'est toujours pas un poème, hein. C'est toujours un avis qui vient de moi. Il se passe des choses quand même assez spéciales. C'est que des gens se réunissent. On ne se connaît pas, on ne se connaît absolument pas. Dans la vie... Dans un ascenseur, on se dirait bonjour parce qu'on est obligé de se dire bonjour via la proximité. Bonjour Steven. Salut, mais on n'est pas assez près pour que tu me dises bonjour. J'ai parlé d'ascenseur. et non pas émotionnel. Attention le regard. Non, ce qui se passe vraiment ici, c'est vraiment un attroupement de personnes, peut-être à la recherche d'écoute, à la recherche aussi de pouvoir se libérer. De pouvoir se libérer, mais chacun a ses problèmes. Quand j'ai parlé de mes problèmes à moi, il y a 33 minutes, plusieurs personnes m'ont chopé en me disant « Merci, ça peut m'aider, ton discours et le fait que tu te sois livré peut m'aider à me livrer moi-même. » Donc j'ai l'impression vraiment qu'ici, il y a des gens qui cherchent de l'attention et être attentifs à ce que disent les autres. Une aide, un chemin, quelque chose. J'ai l'impression vraiment qu'ici, vous venez pas simplement parce que vous vous emmerdez dans votre journée habituelle. Vous n'êtes pas ici pour... ouais, je viens là parce que c'est mieux que de regarder TF1. Il y a une recherche. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une recherche en vous. Et c'est touchant. Il y a des talents. D'autres qui n'ont rien à faire là, je ne citerai pas de nom. Mais il y a vraiment... C'est bon l'autodérision. Saloperie, saloperie. Se taise. C'est que de l'amour, t'inquiète. Non, mais c'est vraiment beau. Il y a des talents, ils viennent avec leur guitare, ils viennent avec leur flûte. Ils viennent même simplement livrer des actes de vie, des pensées aussi, qu'on peut retrouver dans beaucoup de bouquins. Mais qui maintenant va acheter simplement un bouquin pour partir et se dire, bon, j'ai envie de souffrir, j'ai envie de lire cette souffrance. Non, ici, on nous livre cette souffrance, on ne s'y attend pas. Elle nous percute, elle nous fait du mal, mais ce mal nous fait du bien. On se rend compte que finalement, on est des humains, mais regardez, ce plafond tellement bas. On est à moitié dans une cave et on se regroupe comme des reclus, parce qu'on a du mal être dans la vie, ce qu'on est ce soir, proche, direct et touchant. Ce soir, vous tous, et surtout moi, on est touchant, on est tout prêt. Et je pense qu'on essaye d'être le plus profond qu'on peut l'être. Et je vous remercie de partager vos poèmes qui vous ont touché, vos chansons que vous avez créées et vos talents. Je vous remercie à tous pour ça. Bravo. Super. Bravo. Excellent. Merci encore une fois, Steven, de ton intervention très sincère et très touchante également. Merci à toi. Et notre prochaine confession, pour rebondir sur ce que vient de dire Steven. Non, mais c'est vrai, en fait, ce que tu dis est vrai. Je vais faire un petit parallèle avec ce que m'avait dit Tanguy. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. Il est venu deux fois à nos soirées scène ouverte à Épinal. Il fait partie des personnes qui animent... les scènes ouvertes de slam à Nancy. Et il était venu à notre toute première scène ouverte à Épinal en décembre dernier. Et parce qu'on l'y a invité. Et puis en plus, on lui avait dit que c'est ce qu'il faisait à Nancy qui nous a beaucoup touchés. William, qui est derrière le bar, et moi-même. Et on a eu du coup très envie de lancer la même chose à Épinal. Et on l'a invité, il est venu. Et bien sûr, on l'a hébergé sur place pour qu'il ne retourne pas à Nancy le soir même. Et on a discuté pendant des heures ce soir-là. Et il a fini par me dire un truc. Il m'a dit « Léa, t'es bizarre, quoi !» Et puis moi, de monter sur mes grands chevaux, je suis pas bizarre et tout. Il m'a dit « Si !» Il m'a dit « Léa, t'es bizarre !» Il m'a dit « Tu viens à Nancy pour des soirées déclamation de slam ?» Moi, je viens ici aussi, il m'a dit, faire 70 km pour écouter de la poésie, il m'a dit, je t'assure que pour le reste du monde, t'es super bizarre, tu vois. Il m'a dit un truc, mais il m'a dit, mais sache que tu n'es pas seul. Et c'était une toute petite phrase dans une discussion, et ça m'a fait du bien. Tu vois, quand il m'a dit « t'es bizarre », j'étais un peu en mode « le bizarre, c'est la personne qu'on rejette ». Et là, c'était la personne qu'on incluait. Parce qu'il était venu avec une autre personne du slam de Nancy, Amina. Oui. Et on a passé la soirée à discuter tous les trois. Il m'a dit « voilà, donc tu es bizarre, sache que tu es bizarre, mais tu n'es pas seul ». Voilà. Et ce que tu viens de dire, Steven, m'a un petit peu rappelé ça. C'est voilà, on vient tous chercher un petit peu, un peu de poésie, un peu de partage, un petit peu d'autre chose que ce qu'on reçoit au quotidien. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. Hein, vous voulez vous enfermer dans une petite grotte pour écouter de la poésie. Donc sachez-le, pour le reste du monde, vous êtes un peu bizarre. Mais vous n'êtes pas seul. Et du coup, notre prochaine bizarrerie, peut-être, va nous être partagée par Sylvie. On applaudit bien pour Sylvie. Chaque jour qui se lève est une nouvelle vie qui démarre. Je ne vois même plus clair du tout. Je pense que les fractures et les blessures morales et physiques font découvrir petit à petit que la vie est belle et qu'il faut en profiter à chaque instant. Non, c'est pas ça. Oh putain, je vois plus rien. Dis donc que j'ai opéré de la cataracte. C'est catastrophique. Je pense que les fractures et les... Les blessures morales et physiques font découvrir petit à petit que la vie est belle et qu'il faut en profiter chaque jour de tous les plaisirs, aussi minimes soient-ils, parce que demain, on ne sait pas de quoi elle sera faite. Ma canne. De rien. Très beau. Ah. On va accueillir notre cher président. Aïe. Vincent. Plus la casquette. Monsieur le président, c'est à vous. Ça, pour appuyer. C'est bien que Catherine Spitz soit partie, parce que c'est un texte que j'ai fait pour elle, pour après-demain. Alors, donc, elle fait des soirées, enfin, plutôt des après-midi, et là, ça sera sur le thème de la transition, enfin, de la consommation, et ça m'a évoqué le texte suivant, que j'appelle, et que vous, si vous venez chez Catherine, tant pis, vous l'aurez deux fois, peut-être mieux lu, ou moins. Carnac, arnaque, ou menhir, c'est-à-dire la colère des hommes et des femmes. Petit menhir deviendra grand pourvu que Obélix lui prête vie. Oui, mais, Conorama, Bricot, Struffre, Monsieur Fricafrac sont passés par là, et les pierres sacrées en poussière. On ne les reverra plus, les petits menhirs d'antan, qui avaient depuis tant, 2000 ans, 100 000, 3000, 3000 ans étaient fiers, mais on verra du béton, tontaine et tonton, misère et macaron. Le bricolage de la société, pour la former, formater au désir vaste, avide et vide du marché. Est-ce le temps de transition, vers le transition où se meurent les germes? Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du fond de la Bretagne, ils sont bien défrilés, menhirs. Et même si vous en foutez, les dieux anciens sont courroucés et vous ferez, vont faire savoir aussi en si majeur, en si transi, leur incompréhensible cri et leur rire pour les menhirs. On est là, on est là. Même si les cons ne veulent pas, nous, on est là. Pour le peuple en devenir, En chantera les menhirs qui enchantent l'avenir, partouti, partout tatis. Ils sont là, même s'ils ne sont plus là, ils sont bien là. Dans les têtes entêtées, par la terre soulevée, ça se passera pas comme ça, nous on est là. Immanquablement, colère et ire face à votre pauvre délire, promoteurs et zélés élus de consommation consumée. Carnaque, arnaque, tac et crac sur la texture du passé qui entrelace les pensées. Multiples les hymnes lancés là sur ces pierres, en couronne ou en ligne, où le soleil sonne. La mercantile société qui se vautre dans l'impensé et le pensu qui tout digère, la vie, les sens, les grandes airs, pour les briser en petits morceaux. Oui, ce, aussi ici, au haut du taux, ou Cluri, ou Tolly, si je me rémémère, où l'on vit alignement similaire, voici 100 ans, destruction si amère, préférant le fric éphémère aux ondes éternelles du temps. Mais demain, sur ce béton qui demain, sur ce béton pas beau, que le temps détruira, tombeau, minable signe, pauvre air, les blés pousseront à nouveau, entonnant la chanson millénaire, ou trimillénaire, ou quadrimillénaire, de la mémoire réveillée. Un jour l'autre, déchaîné, siècle, ou l'autre, illuminé, refera ce que la connerie humaine détruisit. Détruisit néant. Détruisit néant. Du passé, ne faisant plus table rase, tous esclaves, libérons-nous du monde, retrouvons les bases, nous n'étions plus rien, soyons tout. C'est la lutte finale, éternelle, et tout, des pierres aux étoiles, que le monde vibre tout. Et l'aridé, déridé, gavotte, hôte qui trotte, andro, trop et galop, dans spleen qui illumine, nous ferons sur la langue la texture lumière que les pierres ont marquée. Trimatelolola, et ressurgiront du la, et tous les morts au vent, déchaînés par l'océan. Et digue-digue, digue-digue dans les cloches de temps, dira-t-on, qu'Anandro rêveront, riveront toute vie. Or le mortel ennui de la société plate que l'on nous a plaqué, raconté, imposé, con des mille nuits et jours. Mille nuits que la ferveur émise par les pierres insoumises et invisibles, mais dans les cœurs tenaillés, dans les cœurs tenaillés, Tissifora grisé, réverbéré à l'infini du sort au-dessus de tout mort. La raison du plus fort est-elle la meilleure? Non, ce ne sera pas Ratata, mitrailleuse de jour, mitrailleuse d'amour, mitrailleuse de beau, mitrailleuse et mitrailleur vers le haut. Vénus, reprends ton vol, Astarté, tes sauvages élans, et allumez les rivages de la mer infinie de l'océan ami. Allez, surgissez, âmes incompressibles qui distillent l'espoir et veulent tout possible. Et ces moments cons, temporax, de pierre que l'on trucide ne seront que perdus épisodes fondus dans l'immensité flamme. Allumez le feu, allumez le feu. Additif musical. Petite cerise sur le long gâteau. Les filles de cabaret ne sont les filles de cabaret ce sont ne sont plus ne sont, ne sont, les filles de cabaret ne sont plus trop des vierges. Elles refont des menhirs pour en faire des cierges, et du fond fond de leur lit elles rechantent la litanie des pierres si fières vivant en eux. À quel sens je lis les filles de mon pays, elles enfanteront tontaines et tontons, les enfants du futur, enfants sans peur et purs, la la la la la la la la la la la. Le curé de Camaret a les menhirs qui pendent. Le curé de Camaret a les menhirs qui pendent. Et quand il s'assoit dessus, ça fait du bien, c'est connu. Il bande. Lui qui de sa religion voit les pierres au diable. Lui qui de sa religion voit les pierres au diable. Et les traitades de démons voient refleurir l'horizon. La brande, qui s'écrit lors du soleil. Dig-dig-dong-dong. Dig-dig-dong-dong, ils nous prennent la gorge. Dig-dig-dong-dong, ils nous montrent, ils nous mettent à la forge. Les sbires de Macron, dig-dig-dong-dong. Et tous leurs bandes, donc, dig-dig-dong-dong. Mais nous les materons, dig-dig-dong-dong, à force de chansons. Au pierre et nous, au pierre où nous dansons, dig-dig-dong-dong. Et surtout, non, non, non, Bélos n'est pas mort. Non, non, non, non, qu'un Bélos n'est pas mort, car il chante plus fort. Toujours plus fort par Bélos. Réunissant mieux d'après-demain à au Voivre, c'est Catherine Fils. Il n'y a pas de ton conche. J'en pleure. Ah oui, oui, oui. Son conche. Tu le mérites, là. Énorme. Merci, Vincent, pour cet hommage au menhir de Carnac qui ont quand même été recouverts par du béton pour faire un monsieur bricolage, donc c'est quelque chose. Mais donc c'est le dernier papier, c'est ça ? Oui, c'est okay. Ça. C'est la dernière poétesse. Donc on finit en beauté. Ah, ok, c'est un duo. Ah oui, c'est un duo. Okay. Donc on peut accueillir donc une poétesse et un poète, ou chanteuse, ou chanteur, je ne sais pas. Amina et Toutoun. Tu crois que pour être qualifié de pute, faut être une petite graine, élevée sans l'amour de son paternel. Petite fille paumée qui doit s'élever dans un monde perverti par le fric et l'ennui. Petite annonce pendant que le petit peuple m'écoute, je cherche une maîtresse d'apprentissage dans le métier de michetonnage. Je t'avouerai que ce serait plus simple, tu vas comprendre. On a presque réussi à me convaincre. Comment devenir une michto? Je pense bientôt sauter le pas, classe sociale, socialement bas. L'état fait que tu dois te servir de ça. J'ai du mal à me servir de mon corps pour gagner du pognon. Et pourtant je les envie, ces amortes qui surminent de par l'escorte au porno seront elles des millions. Petite fille paumés de par leur éducation, sans amour et sans considération, en mélangeant amour et sentiment. Elles ne savent pas vraiment faire de goût. Petite fille paumée de par leur éducation, sans amour et sans considération, font des femmes blessées en grandissant, qui ne cherchent qu'à être aimées, en mélangeant amour et amour. Elles ne savent pas vraiment faire dans le sentiment. Ma petite sœur de 15 ans est une sacrée michto, et moi je galère. Qu'on me retire cette part d'humanité, ce principe de merde qui m'empêche de sauter le pas dans ce monde pervers. Pardon, j'ai du mal, je ne vais pas y arriver. Merci. C'est très bien. Bravo. Donnez-moi la force d'être aussi pute que possible, afin de m'élever dans ce monde bâti par la hiérarchie de la puterie. Donnez-moi l'opportunité de ne plus galérer. À qui je dois donner mon CV? Apprenti michto parce que la vie coûte trop cher. Un homme de la haute société m'a récemment conseillé de me lancer dans ce métier. Il m'a dit y a du potentiel, il en aurait qu'une butée et des bullets. Ce monde de pute dans lequel on vit, je te parle d'un monde perverti par le fric et l'ennui. Tu sais qu'une femme est dans la fleur de l'âge entre 18 et 35 ans. Alors je demande, qu'est-ce qu'il me faut pour que je devienne une apprentie michto, utiliser mon corps à souhait pour un jour me payer cette putain de maison, quitte à en détruire mon vagin, prendre des antidépresseurs et perdre l'estime de moi. Je sais que ça fera sourire mon banquier. Et qui sait, après m'être bien dégradé, je te rencontrerai. Toi, futur petit prince charmant. Putain, où est-ce que t'étais quand j'avais 18 ans? Tu connaîtras mon histoire, mon parcours. Alors je te dis, dans 18 ans, mon petit prince charmant. C'est bon. Bravo! Alors, je crois, là. On en a plus. Moi, j'ai la voix qui porte, ça fait du larcin dans le micro quand il est trop fort. Eh bien, merci beaucoup pour cette magnifique clôture de soirée. Honnêtement, je crois que vous tenez un truc. Franchement, ce texte, avec la petite musique jazzy funk piano là, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Franchement. Ouais. Je pense que vous devez clairement échanger vos contacts pour vous revoir et travailler ce genre de duo ensemble, parce que ça fonctionne du tonnerre. Enfin, moi, mon avis, franchement, top. Merci beaucoup. Après, il suffit juste d'apprendre le texte. Mais non, mais c'est très bien, c'est naturel, c'est spontané, c'est ce qu'il faut, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, merci à tous. Donc, nous n'avons plus de mots dans le chapeau, nous n'avons plus de petits noms dans le chapeau, à moins que Ben et Liam ont un petit élan de motivation pour clôturer là. Un jour on peut faire appel. Un jour peut-être. Bon, ok, ça marche. C'est la première fois qu'ils viennent, il faut leur laisser un peu. On dans la vie tous les jours en public. Ok. Bon, la prochaine, alors vous inaugurez la scène ouverte de la rentrée alors. C'est quand du coup, septembre? Septembre, ouais. Ça va, t'as le temps. À la guinguette. À la guinguette. On essaiera, peut-être qu'il fera meilleur en septembre. Bah oui. Hein. Bon, bah voilà, donc c'était notre. C'était donc notre septième. Bon, on aura l'occasion encore de papoter. Hein. On met personne à la porte. On a encore un peu quelques minutes pour discuter. Juste, on me signale une petite chose. C'est s'il y a des gens qui retournent fumer dehors avant de partir et tout, de faire vraiment doucement. Pour les voisins, il y a des voisins qui habitent juste au-dessus, qui ont leur petit balcon là juste au-dessus. Donc vraiment, vraiment, si vous allez dehors, de faire doucement. Voilà, petite annonce. Sinon, voilà, c'était notre septième soirée scène ouverte, donc qui aurait normalement dû avoir lieu à la Guinguette, mais heureusement, nous avons ce lieu magnifique pour nous accueillir. Donc merci à toutes et à vous tous d'être venus. Merci à vous tous qui avez mis vos petits noms dans le chapeau d'avoir donné vie à cette soirée. Merci à tous. Et merci à Troisième Rive aussi de nous accueillir, à ses bénévoles. Martine notamment, qui est une grande fidèle, qui vient nous filer un coup de main. Merci à toute notre équipe, Florian, Mathilde, Yola, Vincent, Mickaël et Aurélie aussi qui sont venus avec du matos, les pieds de micro, peu, tout ça, voilà. Tous ceux qui ont filé un coup de main. Merci beaucoup. Et je laisse la parole au président. Bon, alors, c'est pour la radio, ça passera normalement le 7 au soir à 21h sur RGM 107. Dans la zone de Remiremont, ou radio online radio box, écoutez Radio Guémozo, et voilà. Et puis ça sera en podcast, je pense. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc Vincent fait partie de Radio Guémozo et il diffuse régulièrement ce qu'on fait aux ateliers d'écriture, parce qu'il enregistre très souvent. Il diffuse ce qu'on fait aux ateliers d'écriture et il enregistre également les scènes ouvertes et donc les rediffuse sur Radio Guémozo. Donc tu disais le 7 juillet à 21h. Le vendredi, oui, c'est un vendredi, je crois. Oui. Bon, ça sera en plein aussi. Là, c'est-à-dire en bas sur le cours, où on sera, où Jean-Claude sera, il signera ses CD, ses disques. Hein. On sera là, sur le stand des livres, hein, de l'UNEVE, enfin des écrivains. Et puis voilà, puis quand tu disais que. On est en. Ah, ben voilà, tu vois, début. Voilà. Avant que vous ne partiez aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, je ne crois pas. Je crois pas que ça a été dit en début de soirée. On a une petite boîte là qui est à disposition. S'il y a des gens qui veulent nous faire un petit don, voilà, parce que vous avez bu un verre et tout, ça nous soutient. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas eu forcément soif, mais qui ont envie de nous soutenir, on a une petite boîte à dons. Pièce rouge, pièce jaune, gros chèque $1 million, on prend aussi. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir pour les prochaines scènes ouvertes ou prochaines actions que nous mènerons pour faire vivre la parole libre. Voilà, donc merci à tous. Bravo. Michael et puis qui joue très bien de la guitare. Est-ce qu'on peut finir en chanson? Alors, je ne sais pas. Moi, en fait, j'ai déclaré forfait. Je vais retirer mon ticket parce que j'ai une putain de tendinite déjà. Ah merde alors! Il faut que tu la répares pour après-demain, la fête de la musique. Hein. Justement, je vais mettre mon ticket. Ah oui. Voilà, c'était donc la scène ouverte, non pas de l'équinoxe du 21 septembre, hier, mais du 22 juin solstice, donc un décalage, puisqu'on n'avait pas eu le temps, avec notre riche actualité, on n'avait pas eu le temps de passer cette scène ouverte. Mais celle d'hier, eh bien, nous la passerons également, et de toute façon, tout ceci se retrouve aussi en podcast allègrement sur Radio Guémozo. Merci Radio Guémozo, merci RGM, et à suivre donc la suite des événements de ce mois de fin septembre et octobre, où également il y aura une prochaine scène, mais on vous l'annoncera, et puis aussi des ateliers qui vont reprendre, on va vous les annoncer. Et puis, j'allais oublier de vous convier à l'événement, à deux événements, hein, un atelier d'écriture qui a lieu demain à la miroiterie par Aurélie et Christophe, et donc un atelier sur le Japon, à la miroiterie à 14h, de 14h à 17h, miroiterie à Remiremont. Et puis, le dimanche, ça sera la pièce de théâtre Blanche-Mer, dont je pense que vous avez écouté au début un petit enregistrement. Voilà, donc Blanche-Mer, la pièce de théâtre où la troupe recrée, ainsi que des membres de Plume, dont Léa d'ailleurs, que vous avez entendu, la troupe Plume se retrouve également avec, avec toute la troupe recrée, et puis les Quais d'Allumée également. Donc ça, c'était précédemment à 21h, oui. Un peu avant le début de cette diffusion de la scène ouverte du mois de juin. Eh bien, bon automne, hein, bon été, cette fois-ci, sinon de la Saint-Martin, c'est bientôt quand même, dans deux mois, mais de la Saint-Michel, voilà.